Bien joué. Ah bah ça y est, c'est maintenant que tu t'excites. T'as une idée d'intro ou un truc? Joyeux à... C'est pas un peu surfait? Non. Tu vois, non, après, je sais pas, tu me demandes... Non, j'ai pas d'idée, comme ça, c'est vrai que j'ai pas réfléchi, j'aurais pu y réfléchir, mais j'ai pas d'idée d'intro. Je pense que t'es en train d'enregistrer, donc du coup... Ça paraissait super louche. Ah mince. Mais alors, je pensais que j'étais la louchitude. Pas mal. Franchement. Ah, j'aurais dû travailler mon jeu de. Totalement. Mon jeu d'acteur. T'étais plus sérieux qu'il y a deux secondes. Donc ah, bah... Tu t'es grillé tout seul. Bon, bah, allons-y alors. Ah, bah, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Hey, hey Écoute. Donc, bonsoir et bienvenue dans l'épisode 21 de la saison 2 de Road to Hellfest, ou l'épisode un an après, comme on l'appelle. Hey. Parce que ça fait un an. Wouhou. Yeah. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Ouais. Donc, non, s'il vous plaît, sortez. Ouais, parce que c'est un peu gênant. Voilà. Donc, on avait prévu plein de trucs pour cet épisode anniversaire. Rien ne s'est passé. Oui, c'est ça. Donc, au final, il y aura une émission normale. Hey, voilà. Hey. Donc, il y a un gâteau, mais il est là-haut. Voilà. Donc, on le mangera en juif, entre nous, tout à l'heure. C'est ça. Après l'émission. Sinon, on voulait passer un petit coucou à Joe, qui n'est pas venu. Nous l'avons invité, on s'est dit, ah, pour là, non, ça serait bien qu'on soit réunis tous les trois, histoire de dire, on est une équipe, quoi, on est des potes, des frères de métal. Mais il avait des enfants à s'occuper, de la fatigue à gérer, et voilà. J'ai pas mieux. Non, bah après... Du coup, ça a donné quoi, ta demande à Dedo? Bah écoute, il m'a répondu. Ouais. Sympathiquement. Y a pas de raison qu'il soit pas sympathique. Non, mais après, voilà. Très bien. Mais bon, il m'a dit, il était à Tokyo, donc voilà. Donc il a pas pu. C'est pas évident. Non. Mais voilà, non, il m'a répondu. Il m'a dit que s'il y pensait, il nous enverra un petit message pour nous souhaiter un joyeux anniversaire. Ah, Il continuerait. Bonne continuation à nous. Ah, il est sympa, ce Dedo. Tout le tralala. Ah, bah, je vais le taguer pour qu'il y pense. Ben. En tout cas, profite bien de Tokyo. C'est beaucoup plus sympa que de venir ici, crois-moi. C'est sûr. Je sais, je suis là toutes les semaines. Enfin, quoique en même temps. Donc, pour ces un an, nous avons donc ni invité, ni programme particulier. Il y aura peut-être vraisemblablement une surprise la semaine prochaine, mais c'est pas encore enregistré, donc on verra. Ah bon? Non, je ne suis pas au courant. Bah, si, c'est le truc qu'on doit enregistrer. Ouais, mais je suis pas au courant. Alors, mais si, le truc où on en a parlé, je te l'ai envoyé, t'as validé, et t'as dit, ouais, mais quand? Et bah, tu as dit, oh, je sais pas trop, machin. Ouais, c'est ça, lundi. Lundi. Ouais. Merci, bah, si, c'est bon. D'ailleurs, je tenais à faire une petite parenthèse. Parce que une apartheid. Une apartheid. On a découvert un truc formidable cette semaine, moi et Bob. Ça nous a changé la vie. C'est-à-dire qu'on était en train de s'envoyer des messages, et d'un coup, je sais pas ce qui m'a pris. Pris d'une. Tenez-vous bien. Alors là, j'ai été pris d'un instant de folie. Je pense que j'ai pas cru. Je déconne mon téléphone. J'ai perdu les pédales, littéralement. Je pense, c'est ça. Et je l'ai appelé. Et le temps qu'on a gagné... C'est un truc de dingue. Ah là là, on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire directement. Ça a été réglé vite fait. C'est une super invention. Quand même, c'est génial. Moi, je pensais qu'on pouvait juste aller sur Internet et envoyer des messages. Mais on peut téléphoner. Mais ouais. Je vais faire ça avec tout le monde maintenant. Ouais. C'est trop génial. Tu peux taguer Graham Bell aussi. Ouais, je vais faire ça pour le remercier. Ouais. Ça va être sympa. Sinon, mais dis-moi, comment ça va en cette nouvelle semaine? Quoi de news dans ta vie, mec? Quoi de news? Pas grand-chose de bien précis. Non, ça va, tout va bien. Une semaine pour le moins. Une semaine normale. Rien de. T'as pas fait grand-chose là-bas? Grand chose. Non, il n'y a pas de piège, hein, je sais pas. Non, j'ai pas fait grand chose de ouf, dingo, qui mérite d'être retenu. Pas une petite recommandation que tu as été voir au cinéma, ou je sais pas. Ou... Non, je ne suis pas allé au cinéma. Très bien. Et toi? Oui, c'est ouf. C'est la transition. C'est dingue. J'ai été voir Gaston Lagaffe. Oh merde. Et ben, figure-toi que pas tant que ça. Ah bon? Non, ce n'est pas une mauvaise adaptation. Et oui, à vous, détracteurs du cinéma, moi je vous attends pour en débattre. T'as pas vu qu'il y avait la fille de... Non, mais c'est de la merde ce qu'elle dit. Non, c'est pour le coup, elle a tort. Ouais, non. En vrai, j'ai pas trop rigolé dans le film. Mais si tu pars du principe de base que quand même Gaston Lagaffe, c'est inadaptable. C'est sûr. Et ben en fait, c'est plutôt bien réussi. Ouais. Ouais, ça dénature pas du tout l'œuvre originale, ça lui manque pas de respect. Franchement, autant j'ai détesté les profs, autant là, je peux reconnaître que c'est plutôt bien fait. Ça m'a pas fait rire parce que ça me fait pas rire tout, quoi. Tout court. En fait, les bandes dessinées me font sourire, je suis pas mort de rire devant, ça me fait sourire. Mmh. Là, comme je les connais déjà, t'es plus en mode ah ouais, d'accord, c'est celle-là, d'accord. Toi, c'est voilà, le film m'a pas fait rire. Mais je peux pas dire que c'est mal adapté ou quoi que ce soit. Non, c'est sympa quand même. Ouais, c'est sympa, c'est bien fait, c'est frais, c'est dans l'esprit. Il y a des passages un peu style BD dans la réa. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est loin d'être le bashing que ça a suscité pour l'instant et que tout le monde crache dessus en disant « Ouais, c'est de la merde. » Voilà. D'accord. Mais allez voir Ready Player One, c'est beaucoup mieux. Voilà. Oui, voilà, c'est bien ça. Il faut revenir là-dessus. Sinon, je devais parler de l'expression dans un mouchoir de poche la tout semaine à fait. Dernière. Donc je me suis renseigné un petit peu. Alors la définition n'est pas vraiment exacte. On va plutôt reprendre l'histoire de cette expression, car avec Road to Hellfest, on apprend, on se cultive et on repart plus en fête. On devrait essayer d'inviter Stéphane Bern. Oui. Oui. Bah écoute, je pense qu'il est assez cultivé. Je pense qu'il aura sûrement quelques anecdotes croustillantes, beaucoup plus que les nôtres. Yes. Très bien. Donc, au XVIe siècle, il y avait une nette distinction entre le mouchoir de poche et le mouchoir de colle. Le mouchoir de colle était plus grand, pas très éloigné du foulard et se mettait autour du cou. Techniquement, si tu... On voit tous à quoi ça ressemble. Oui, une écharpe. Le mouchoir de poche, dont l'usage est progressivement entré dans les mœurs, était réservé à la haute société. Comme le gant ou l'ombrelle, le bout de tissu faisait partie de la panoplie vestimentaire de rigueur et servait aussi à se moucher. Par contre, ceux qui n'appartenaient pas à cette classe noble, comme les bourgeois, qui lorsque leur nez coulait se servaient de la manche de leurs vêtements et les gens du peuple de leurs doigts, moi perso c'est ce que je fais aussi. Heureusement, ces habitudes ont mis du temps à disparaître et le mouchoir de poche connut des formes diverses jusqu'au 19e siècle où il s'est standardisé. De nos jours, il existe le Kleenex, mouchoir en cellulose apparu au début du 20e siècle. Et voilà mec. D'accord. Mais ça explique pas le dans un mouchoir de poche. Ça veut dire que c'est petit, c'est ça, que ça tient dans une poche, dans un mouchoir, dans une poche, non? Oui. D'accord. C'est ça. Mais je croyais que tu voulais savoir d'où ça venait, moi. Ah non, c'est l'expression. Ça tient dans un mouchoir de poche. Oui, mais c'est l'explication de l'expression. Ah oui, c'est merdique alors. Bah écoute, ok, bon, bah je vais. Bah ça te dit rien en fait. Je vais marquer et rechercher. C'est de la merde. Approfondir, recherche. J'ai que ça à faire de toute manière. Bien sûr. Alors, parlons peu, mais parlons bien, parce qu'on a déjà tendance un petit peu à s'étendre. Ouais, exactement. Alors qu'on n'a pas vraiment commencé. Ouais, c'est ça. N'importe quoi. Attaquons directement les news de festival. Tout à fait. Est-ce que tu veux en lire une? Oui. Est-ce qu'on peut... Tu veux que je lise la première? Ouais, lis la première. Le festival prend les commandes de l'univers métal sur Deezer, avec la playlist d'artistes programmés, des playlists triées par scène et la sélection des titres favoris qui tournent en ce moment dans les bureaux des organisateurs. Oui, et nous n'en dirons pas plus parce que nous, c'est Spotify. Voilà. Mmh. Voilà. Mmh. On est comme ça. On est des mecs engagés. Contre culture, mec. Voilà, c'est ça. Nous, d'ailleurs, je pense à... Alors, petit aparté. Encore? Ouais. Alors, Julien, notre... Oui, bien sûr. Notre fan. Oui. L'homme qui nous écoute. Notre groupie. Non, je dirais... Non, mais le mec, quand même, a écouté deux saisons depuis pas longtemps. Quoi. En 15 jours. Une semaine. Ouais. Et, du coup, m'a fait remarquer que la semaine dernière, on avait un très beau son, mais que ça manquait un tout petit peu de... De peps. Hein. Non, mais un peu moins fun, tu vois. Ah ouais? Je crois qu'on n'a pas encore eu le temps de se faire un nouveau matos. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, Julien, on va essayer. Ouais. Laisse-nous un peu de temps. Oui, voilà, c'est ça. Je crois que tu te rends pas compte. Non, faut qu'on prenne nos marques. Voilà, avant, c'était genre un truc posé sur une table. Maintenant, il y a deux trucs. C'est ça. Donc, faut... La concentration. Voilà. C'est tout. À moi. Wouhou. Yeah. Alors, sans prévenir, sans tambour ni trompette, hier, aux alentours de 14h, on voit ça grosso merdo, c'est le ça. Le ouais. Easy Camp est apparu. Pouf pouf, d'un seul coup. Regardez, on peut avoir un Tipeee. Regardez, on peut avoir un Tipeee avec option. Regardez, on peut avoir des cartes. À 42 cartes. Balles l'oreiller. Ouh. Il y a pas que l'oreiller, il y a que l'oreiller à 42 balles. Je sais pas, non, mais. Alors. Moi, oui. C'est qu'est-ce que j'en ai vu en tout cas. Très bien. Donc, on a. T'as pas pris de notes? J'ai pas pris de notes. Aucune. Ok. Donc, pas de souci. Donc, à combien est le prix de la cartente et que contient-elle, s'il vous plaît? Alors, si c'est toujours pareil que à la première... J'ai la page dessus, donc si je peux répondre. Désolé. Je vais aller pisser. Non, mais vas-y, bah, écoute, je te corrige. Non, c'est sans intérêt, j'ai même pas d'infos. Ça se trouve, ça a changé depuis... L'accès à Lazy Camp via une carte Ent, je reformule. Si vous prenez le pack carte Ent, ça vous donne accès à Lazy Camp du jeudi 21 juin 17h au lundi 25 juin midi. Mmh. Donc une zone de confort, une grande carte Ent pour deux personnes. Donc on va se calmer tout de suite sur le mot grande. Ouais, d'accord. Une carte Ent pour deux. Ça a changé. Deux lits de camp. Deux duvets, deux chaises pliantes, une petite lampe d'ambiance, deux serviettes de douche et deux kits de toilette qui, de mémoire, contiennent un dentifrice, une brosse à dents et un savon en flacon. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, pareil pour ma part. Une caution de 60€ en empreinte bancaire sera à remettre à l'équipe d'accueil. Rassurez-vous, il en reste encore. Deuxième pack, le pack Tipeee. Un Tipeee sans option. Un Tipeee fermé, bon bien sûr l'accès à la zone de confort, tout ça. Un Tipeee fermé de 14 mètres carrés avec son cadenas, une lampe rechargeable, 5 matelas confortables. Attention, il n'y a pas de duvet dans cette offre. 5 personnes maximum pour 4 nuitées. Le même accès au Lazy Camp, tout ça. Et une caution de 100€ sous forme d'empreinte bancaire sera demandée. Et le troisième pack nouveau de cette année, le pack Tipeee avec option. Donc, un Tipeee, une lampe, 5 matelas, 5 personnes, blablabla. Et le choix d'option, qui s'appelle des plumes. Une plume, 42€ par personne, donne droit à un duvet et un oreiller de 60-60 et une T. Deux plumes, 54€ par personne, un duvet, un oreiller 60-60, une T d'oreiller, un drap de bain et un kit hygiène. Je suppose le même que dans les cartes. Ouais. Trois plumes, 66€ par personne, une couette, un oreiller, une parure de drap, drap housse de couette et d'oreiller, un drap de bain, un peignoir et un kit hygiène. Juste pour information, nous l'année dernière, les matelas, on avait dormi dessus à l'arrache. Hein, donc, oui, cette option reste une option. Voilà, après ça évite quand même d'emmener des trucs pour ceux qui veulent vraiment se faire un petit lit, une tête d'oreiller. Oui, voilà, c'est ça, tout petit, mignon. Donc, j'ai pas... Il y a toute une FAQ à lire et ils ont bien précisé... de la lire avant de réserver. Ouais. J'ai pas été la lire, donc je ne sais pas s'il y a des modifications, mais je ayant déjà fait par trois fois le Lazy Camp, une fois en tente, une fois en carte tente et une fois en Tipeee, je pense que ça reste le même principe. À l'occasion, on ira lire peut-être d'ici la semaine prochaine. Voilà. Et à peu près une heure après, il n'y avait plus de Tipeee. Donc il reste encore des carte tente pour ceux que ça intéresse. Voilà, je t'en prie, passe à l'autre news. Par contre, oui, juste. Moi, j'ai trouvé ça pas cool de la sortir direct comme ça, l'annonce en fait. D'habitude, ils annoncent, ouais. On a le temps de se préparer et tout ça. Moi, je pense aux gens qui n'ont pas eu le temps de prévoir et qui ont dû au dernier moment se préparer. Eh bien, c'est pas forcément... Voilà, c'était pas forcément facile, quoi, parce qu'en moins d'une heure, ça fait premier arrivé, premier servi. Mais bon, d'habitude, ils préannoncent un petit peu, voilà. Heureusement que Parcimonie était là. C'est la même. News suivante, s'il vous plaît, Bob. Oui, bien sûr, Jack. L'interview de Bennington. Ouais. Que j'ai complètement zappé de lire. Très, très bien. Alors, moi, je l'ai lu. Bah, c'est cool. Ouais. Tu l'as fait pour nous. Bah, du coup, je relis juste en diagonale parce que j'ai un petit trou de mémoire. Putain, je devais la lire cet après-midi. Je l'ai lu ce matin, vite fait. Comme ça, c'était tout chaud, tout beau. Ouais, mais j'ai oublié un truc. Excusez-moi. Ah, si, voilà. Non, juste le seul point que j'ai retenu de l'interview qui m'a plu, c'est qu'aimes-tu tant au sujet de la musique ? Il a dit, le chanteur de Bennington a répondu : je n'ai jamais écouté de musique pour danser, c'est une chose qui me secoue à l'intérieur, elle me fait ressentir beaucoup d'émotions et de puissance, elle me rend encore plus vivant que je le suis, et c'est un parfait moyen pour établir une connexion avec des gens qui partagent ta passion. Voilà, c'est juste parce que c'est exactement ce que je ressens. Donc, c'est pour ça que je voulais... J'ai pas compris, moi. Il écoute pas de musique pour danser ? Non. La musique, pour lui, c'est pas un truc fait pour danser, c'est un truc qu'il ressent à l'intérieur, qui lui fait ressentir des émotions. D'accord. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, complètement. C'est ça. Je suis à 200% d'accord avec ça. Voilà. Et sinon, enfin, ça doit être de l'émotion, la musique. C'est ça. Oui, mais après, tu peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment pour danser, machin. Oh, le zouk. Sinon, je sais pas si tu l'avais dit la semaine passée. Dis tellement de choses dans ta chronique, mais c'est pas la première fois qu'il venait, non? Hellfest. Benicted, c'est pas eux qui ont fait le... Non, c'est la quatrième participation, sans compter qu'ils étaient au Fury Fest de 2004. Ouais, non, mais je suis pas sûr d'avoir dit ce genre de truc, moi. Bah justement... Que nenni, que nenni. C'est ce que je suis en train de te dire. Bah c'est bien, non, mais c'est gentil de compléter voilà. Voilà. Bah non, j'ai rien dit sur le nombre de venues. Bah voilà, donc c'est leur quatrième venue. Bah voilà, merci. Et ils ont été une fois... Bon, écoute, hein, quand on... Merci Benicted. Merci, oui, merci Benicted. Voilà. News, bah du coup fais la suivante alors, parce que je vais un peu participer à celle-là. Oui, d'accord. Donc le concert du warm-up au Ferrailleur, le concert de Ultra Vomit du 30-04 pour la soirée Hellfest Open Air sera en direct vidéo sur notre Facebook. Enfin le Facebook du Ferrailleur. Du Ferrailleur. Pas le... Qu'est-ce que tu... Ah, toi tu te lâches totalement. N'importe quoi. Écoute Siri, on n'a pas d'invité, c'est pas pour rien que tu dois t'inviter dans notre truc. C'est clair. Merci. C'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Bonsoir quand même. Donc pour un nouveau concert, Canapé. Donc voilà, si vous voulez profiter du concert du 30 avril, oui. Du coup, hein, au Ferrailleur, hein, bah, ce sera sur... Et que vous avez direct. Un canapé. Ah bah après, oui, tu peux t'asseoir par terre. Ou tu peux t'asseoir sur une gomme. Mais voilà. Et donc... oui. C'est pas... Et bah tu vois, hein, et bah à toi. Ouais. Flûte. Bref, enfin, moi je trouvais ça juste plutôt cool de pouvoir assister à ce concert sur Facebook. Complètement. Et si ça se trouve, je vais peut-être même, bah tiens, qui sait. Le regarder. Bah. Ou y aller. Je ne sais pas. Très bien. Ouais, ça dépend si on est invité. Julien, le susnommé. m'a fait part de l'annonce que Seven Seconds annulait sa venue. Ah bah bravo. En fait, ils annulent pas vraiment leur venue, ils annulent leur carrière. Si tu regardes sur Facebook, en gros, ils disent bah on arrête, voilà. C'est... Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc Electric Marie, le Hellfest a pas encore communiqué là-dessus. Ouais. Mais il semblerait que ces deux groupes ne soient pas présents cette année. Voilà. Bah, j'ai vu ça aussi ouais, sur la page de Electric Mary qui mettait qu'il y avait. Bah ouais. Bah, qui faisait ça et un autre festival, je ne sais plus lequel. Et ils étaient obligés d'annuler leur venue, quoi, du coup. Et en plus, on peut le dire maintenant parce que c'est donc, on va dire entre parenthèses, officiel, mais on connaît le running order parce qu'on a tous les deux acheté le rock hard de ce mois-ci. Tout à fait. Avec dedans le petit livret fort sympathique comme tous les ans. Oui. Qui fait un rappel de tout ce qu'il y a sur le Hellfest, que ce soit les points bouffe, les points info, les points machin, le site, les différents groupes avec quelques news en plus. Ouais. Et donc ce fameux... Les running... horaires, les prix, des... Même y a... non, c'est de plus en plus complet, je trouve, le livret. Le prix pour les enfants, le prix... Il y a vraiment plein de trucs. Et donc, ce fameux running order, où est toujours marqué dessus Electric Marie, qui sera en ouverture le vendredi, je crois. Samedi. Bah, attends, je l'ai. Le... Bah oui, alors. Bah oui, attends. Sors-le. Je le regarde. J'ai fini de manger, donc c'est bon. En plus, c'est vrai. Alors pas samedi, hein. Non, pas non, samedi. Vendredi, peut-être. Alors, du coup, ça me semblait plus... Roulement de tambour. Attention. Moi, j'ai pas de tambour. Ouais. Electric Marie, ouais, qui couvrira en main stage 1, sachant qu'à 11h05... Et Seven Seconds, encore une fois, selon les infos de Julien, qui nous a fait un joli tableau Excel. Oui, j'ai vu ça. je lui ai demandé si c'était sa liste de vœux. Non, parce que du coup, il a mis en gras ce qu'il allait voir et tout ça, mais il me l'a partagé au taf, donc moi je l'ai en... Ah ouais. Ouais. Et donc, Seven Seconds, normalement, il m'avait dit que c'était dimanche, je crois. Ça se trouve c'est, quand c'est, il... c'est Warzone. Ou quand il va écouter, il va dire « Mais je t'ai jamais dit ça !» Bravo, si en plus c'est carrément alors, non, il passe vendredi hein, à 20h45 potentiellement. Voilà, donc ce running order permet d'avoir déjà une première idée de ce que les gens veulent aller voir. Voilà, je l'ai survolé vite fait, je fais ça c'est cool. Je pense qu'on vous fera un pré-running order de ce que potentiellement on aurait été voir si on allait au Hellfest. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, rien. C'est parce c'est parce que j'ai rien. C'est parce que je fais genre, on n'y va pas, tout ça, et donc c'est pour ça. Ouais. Ah, mais les gens, ils savent pas. Qu'on n'y va pas. Ils sont toujours dans le doute. C'est ça. Voilà, c'est tout. Et moi, j'aime créer le mystère. Mystère mystérieux. Exactement. Et ça, personne ne pourra jamais me le reprocher. Mystère au chocolat. C'est vrai. Très bien. Donc, on a fini avec les news du festival, je pense. Tu crois? Veux-tu passer aux news de la musique métallique? Ben non, regarde. Quoi ? Tremplin gagnant, tremplin officiel, cerf boiteux, post-rock Rennes. Motocultor. Motocultor, bah alors, c'est pas précisé. Oui. Bah bravo, hein. Non, mais tais-toi aussi, toi. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? Bon, alors... Ah, il faut préciser. Bah voilà, arrobase, motocultor. Mais ça, faut le mettre avant. Parce que derrière... Ça sert à rien. News metal, deux points. C'est organisé. Alors, vas-y, donc, tu voulais... Alors, bah, je l'ai fait, très bien. Alors, le motocultor a annoncé le gagnant de son tremplin, à savoir Cerf Boiteux du Post-Rock from Rennes. Tu sais, c'est marqué. Non, mais c'est Cerf Boiteux, ils viennent de Rennes. C'est oui, c'est ça, c'est drôle. Ouais, ça va. Hein. On ne connaît toujours pas leur jour de passage, mais félicitations à eux. Bravo. Bravo. Mais vous avez fait pas un an que vous avez fait un podcast. Que nous, ça fait un an. Ouais, oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est cool. Ouais. Joyeux anniversaire à nous. Alors, il y a un aperçu. Alors, merci et bravo au groupe perdant Infected, Villa, Enseminette, Degeneracy et Sideburn. Ça sent bon, là. Ah, merde. Alors, l'histoire de Karl, c'est moi. Parce que tu l'as pas vu, je parie. Ah bah non. Donc, c'est pas grave, tu vas enchaîner. Très bien. Ouais. Allez, enchaîne. Mais du coup, la news d'après aussi, c'est... Bon, alors... Allez, enchaîne. Bon, ok, voilà. Et alors... Tremonti, c'est pareil. Enchaîne. Bah non, mais tu dis... tu remplaces Bob par moi-même. Ok. Très bien. Ok. Bon, bah, je commence. Alors, Metallica a sorti un mini-documentaire sur l'histoire de Karl, qui est la nouvelle guitare de James, en vue de la... Attends, mais j'explique. Oui, quoi. Vas-y, vas-y. En vue de la ressortie de leur EP de 5,98$ Garage Day, qui était en fait un EP de reprise qu'ils ont sorti après Master of Puppets et avant Injustice for All, ou l'inverse, après Injustice for All et avant le Black Album. Oh et merde, je sais plus. Bon bah c'est un de ces deux-là. En tout cas, il y avait Jason, donc ça devait être J'adore Jason. Ouais. Et du coup, il y avait plusieurs reprises dessus. Et en vue de la réédition, il y a deux ans, pour fêter Kill Em All et Ride the Lightning, ils sont retournés dans leur là où il y avait leur ancien garage, là où ils répétaient et où ils ont composé Master of Puppets. Aujourd'hui, ça a été racheté par d'autres gens et le garage a été détruit. Mais pendant cette réunion de fête avec les nouveaux propriétaires, il y avait plein de monde, plein d'amis à eux, tout ça. Ils ont appris que le garage a été détruit. Et il y a quelqu'un qui était présent, un ami à eux, qui a dit « j'ai récupéré des morceaux du garage, des morceaux de bois ». Donc James a récupéré ces morceaux, les a donnés à un luthier qui a déjà fait ses plusieurs guitares, et en partant de ces morceaux-là, il a fait la guitare qu'il a appelée Karl. Et sur le manche, il s'est d'abord dessiné les trois premiers membres, donc James, Lars et Kirk. Un peu plus loin, il y a Cliff, en hommage à lui. Après, tu vois l'affiche de Master of Puppets avec Cliff qui avance vers eux, et après t'as le pont de San Francisco avec le garage et tu les vois deux de chaque côté qui avancent. Tout ça sur une guitare. Tout ça sur le manche qui représente en fait ça un peu. Ça doit être une grosse guitare. Quand même. Non, mais c'est vachement bien manche. Fait, c'est vachement joli et c'est James qui raconte ça dans un mini documentaire et je trouvais que c'était une news hyper intéressante parce que malgré là où ils en sont aujourd'hui. Ils n'ont pas forcément oublié d'où ils viennent et je trouvais que c'était une belle attention de se dire « Ah bah cool, il reste des morceaux, bah j'essaie d'en faire une guitare » parce que, en gros, James, lui, il aurait voulu reconstruire le garage complet dans leur salle de répète actuelle. Mais on leur a dit « Bah non, à la limite de revenir à ses débuts, quoi. » Non, non, et puis même dans leur salle de répète, je sais pas si t'as déjà vu leur espèce de QG, mais en fait, ils gardent tous les vrais trucs. Genre, il y a tous les instruments d'époque qui ont pris la poussière dans un coin, il y a les banderoles de Ride the Lightning, il y a la statue d'Injustice for All, ils gardent vraiment tout. D'accord. Leur salle de répète actuelle à San Francisco, qui est vraiment, qui ressemble à une salle de répète, mais une grosse salle de répète, quoi. Ouais. Et ça, vraiment, c'est pas genre... C'est loin du garage, quoi. Ouais, voilà, mais il y a quand même tous les souvenirs et tout qui est vraiment décoré, enfin, c'est très classe. Et je trouvais cette histoire plutôt sympa. Ben, c'est bien. Voilà. Donc, je t'en prie, passe à la news de Tremonti, t'en sautes une. Attends, Tremonti, premier single, voilà. C'est ça ? C'est ça. Tremonti, groupe chroniqué par moi, et aimé par Jack. Mmh. Et là, t'as vu ? J'ai réussi à faire le saut de cabri. A sorti son premier extrait, A Dying Machine, de l'album à venir, A Dying Machine. Bah, c'est marrant, ça. Ça a le même nom. Ouais. Donc, et qui sortira le 8 juin. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Donc forcément le lien sera posté. Hein, mais il sera comme la semaine dernière sur le sur mon blog avec dans la page. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Moi je l'ai écouté J'ai pas été méga emballé, ça s'écoute, c'est bien. Je sais pas ce que je préfère chez Tremonti, mais c'est pas mal. D'accord. Shaidan a sorti un nouvel extrait du futur album. Shaidan, groupe que j'ai pour devoir, oui, c'est un devoir de chroniquer dans cet épisode, a sorti un second extrait, Human Radio, de son futur nouvel album, Attention, Attention, qui paraîtra le 4 mai, à savoir quasi demain. Alors pour le coup, là, je l'ai un peu plus écouté, mais on en reparlera tout à l'heure de Shaidan, mais je l'ai un peu plus écouté et un peu plus apprécié d'une certaine manière. Je te laisse la dernière news parce que quelque part, elle est pour toi. Ah là là là là. Il y a un problème de son. Oui, je t'ai entendu deux fois. C'est bizarre. Kill or Be Killed. Max Cavalera, dans une interview du Red Light District Show, raconte que le groupe commence l'écriture du second album pour un enregistrement prévu en fin d'année et début d'année prochaine. Pour une sortie l'année prochaine, du coup, forcément. C'est loin, mais c'est une nouvelle qui nous redonne espoir. Espoir en... Un seul mot. Oui. On rappelle que le groupe est composé de Max Cavalera à la guitare et au chant, Troy Sanders à la basse et au chant, Greg Pucciato à la guitare et au chant, et Ben Coller à la batterie et peut-être au chant. Elle est bien tombée, cette news. Elle est très bien tombée. Ah, merci. Formidable. Es-tu impatient de tout ça? Du coup, oui. Hey, ouais. Dis-toi que nouvel album... Peut-être laisse présager une nouvelle tournée. Ah, peut-être. Nouvelle tournée laisse peut-être présager une nouvelle peut-être venue. Ah ouais, là je dis pas non. Voilà. Ah, ce serait avec du plaisir. En plus de revoir Pucciato. Un ami. Ça pourrait être sympa. Ben, bien sûr. Tiens, ça me fait penser que j'ai pas noté les... Ah, t'as pas noté ? Un truc. Merde. Alors, on devait pour... on s'était plus ou moins dit qu'on allait écouter des albums parce qu'on a... Pas de vie, apparemment. C'est ça. Donc, il y avait le dernier album de... Ah, de quoi? Je crois qu'on aime peut-être la musique. C'est vrai ce que tu dis. Peut-être. Donc, on avait le nouvel album de Monster Magnet. Mais on y reviendra tout à l'heure. Bien sûr. Il y avait le dernier... Foutez-le la gueule. On avait le dernier... Il y avait le dernier album de Trust. Donc, je vais être honnête avec vous. J'ai écouté deux chansons. Je n'en parlerai pas. J'en ai fait écouter une à Bob. Je n'en parlerai pas. Voilà. Vraiment. On n'en parlera pas. Je vais aller pisser. Oh non, t'es sérieux? Non, je veux dire pendant la... Ah oui, d'accord, pardon. Putain, j'y ai cru, hein, que tu as tout le temps pissé. On a écouté aussi tous les deux le dernier album de No One, ouais. Frankenstein, qui est donc très très bon. Hein. Oh. Il en reste un. Ben non, mais attends. Oui, non, mais donc il est très très bon. Ah oui, non, il est bon. Tu... Comme un petit bonbon, hein? Ouais, non. Moi, ça m'a donné envie d'écouter celui d'avant parce qu'il paraît qu'il est aussi bon. D'accord. Eh ben, écoute, j'irai écouter celui d'avant. C'est vrai que j'avais lu une chronique justement dans le dernier Rock Hard qui disait que pour beaucoup était resté au tout début de No One. Là, ça a vraiment. Ouais, c'était plus rock en fait. Hein, c'était vraiment. Ouais. Alors que là, ils ont vraiment poussé un peu les potards un peu plus haut. Et ils ont vraiment. Ouais, c'est cool. C'est un peu comme quand tu entends des groupes qui disent ouais, ça va vraiment être l'album le plus puissant qu'on a fait. Et puis genre ouais, c'est pas. Ouais. Bah là, ils l'ont pas dit, mais pour le coup, il est. Ouais, la patate. Ouais. Il reste Satanic Surfer, mais comme je l'ai pas écouté, je pensais en parler plutôt la semaine prochaine. Oui, bah après, comme tu veux. Est-ce que je l'ai écouté, mais après. Ouais, mais c'est peut-être plus simple qu'on dise notre avis en même temps. Quoi. Si tu veux. Ouais. As-tu d'autres groupes à écouter pour la semaine prochaine? Parce que ça peut être sympa. D'autres trucs que tu as vu sortir ou pas? Parce que moi, j'ai pas. Non, faut vraiment que je voie. Très bien. Eh ben, on vous tiendra au courant si jamais c'est le cas. À mon avis, on aura de manière pas tant parce qu'on risque d'enregistrer dans moins d'une semaine, mais pour vous, ça changera rien. Enfin, bref. Oui, ce sont les aléas du direct. Par contre, avant de commencer nos chroniques, je pense que. Bob a une chronique surprise à nous raconter. Peux-tu nous raconter ce qu'il en est? Elle est coincée sous la sculpture. La sculpture. Oui, parce que comme vous avez pu le voir en photo, Bob, pour nos 1 an, nous a fait le cadeau, comme on peut dire, d'avoir réalisé une superbe sculpture à l'image un peu de l'entrée de la Warzone. Bon, par contre, si vous n'avez pas remarqué la faute d'orthographe dans le poste, en fait, lui, il a oublié un F. Donc, c'est vraiment Road to L'Est. Ouais. Voilà. Mais donc, je suis fatigué en ce moment. Oui, mais en même temps, c'est drôle. Moi, ça me fait beaucoup rire. Ne m'en gris. Donc, qu'est-ce qui t'est arrivé, Bob, quand tu as commencé tes chroniques? Je suis fatigué, du coup. Parce que, avis sur les albums. Voilà. J'étais parti sur Monster Magnet et Monster Magnet ne passe pas du tout où elle passe cette année. Et j'ai fait une chronique sur Monster Magnet. Je suis fatigué. Eh bien, c'est pas grave. Désolé. Écoute, nous sommes tous impatients que tu nous la lises. Bah, donc Monster Magnet est un groupe américain du New Jersey, du stoner rock, heavy metal, hard rock, rock psyché, space rock. Excuse-moi, tu n'as pas précisé là, l'endroit où il passait. Et il passe dans ton cul. Et je te merde. Tiens, regarde, hop, c'est une feuille volante, bon. Et tu vois, voilà. Mais pas les non, mais... Très bien. T'imagines pas le désespoir quand j'ai fini et je me suis dit, mais merde, quel con. Bon, au final, alors, ce dernier album, écoute, c'est typique, c'est du Monster Mania. Ouais, moi, c'est un peu ce que je dirais aussi. Hein, mais ouais. Ça, en fait, à un moment donné, j'ai un peu décroché dans l'écoute. C'est pas, ouais, je suis passé en roue libre et... Ouais. Il n'y a rien qu'à trop accrocher. Pareil, ouais, c'est ça. Moi, je ne me suis pas retenu sur un morceau. Je n'ai pas, tu vois, j'ai pas tiqué non plus. C'est du Monster Magnet, pur et simple. C'est ça. Voilà. Comme ils font depuis... J'ai plus ma feuille. Ah, bah, voilà. Ils font ça depuis... Ouais, Années. Des années. Depuis des années. Avant 98, parce que là. Je sais que Space Lord est sorti en 98 et c'est le morceau qui les a fait connaître. Voilà. Ouais, si c'est pas un devoir de mémoire, ça. Tout à fait. Excusez-moi. Bon, alors du coup, nous allons pouvoir attaquer nos chroniques. Mais je crois qu'il passe le dimanche. Alors, non, je sentais ça, c'est pour regarder un peu les... tu commences ou je commence? Non, bah vas-y. Très bien. Alors. Jingle. Bah vas-y, je t'en prie. Ah oui, c'est moi. Ah bah c'est pas moi qui vais faire ça. Connard. Quoi? Alors, tu prends tout mal. Allez, de toute façon, moi j'ai pas de filtre. Chronique. Hey. Vas-y, Joe. Bah Joe n'est pas là, donc c'est très bien. Vas-y, Joe, alors c'est. Hommage à. Arrêtez ça par lui. Voilà. Alors attends, j'essaye juste de retrouver quand est-ce qu'il passe. Ah voilà. Donc en premier groupe, j'avais Shinedown, qui passe donc sur la main stage 2 dimanche à 14h20, jusqu'à 15h. Tout à fait. C'est une bonne heure. Alors, j'avais une question à te poser. Encore. Ouais. Bob, c'est quoi être mainstream? Ah, c'est une vraie question. Ouais. Non, okay. Parce qu'en fait, j'ai remarqué souvent, parce que moi, comme j'ai tendance à le dire dans ce podcast, je dis, ouais, je suis le mainstream du groupe, c'est moi qui écoute tous les trucs comme ça, un peu facile à écouter. Mais, c'est pas faux. Mais en fait, mainstream, je trouve que ça sonne autant gentiment qu'insultant parfois. Genre, ah, c'est mainstream, ah, c'est le truc qui passe en radio. Ah. Sachant qu'en plus, si on part du principe qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de groupes et même de radios comme ça, où il y a plein de groupes mainstream, justement. Donc, je me demande, c'est quoi être mainstream, tu vois? Est-ce que c'est facile ou pas? Genre, est-ce que c'est faire de la musique facile, faire de la musique qui plaît? Je dirais que c'est pas facile, déjà. Enfin, moi, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. T'es pas mainstream, toi? Non. Ah, bon, c'est pas grave. Enfin, bref, c'est un truc que je me suis... Non, puis même la définition en elle-même, c'est assez... Comment je pourrais te dire? Est-ce qu'on pourrait se rapprocher de quelque chose de populaire, mais après... Ah, c'est... Je sais pas, oui, t'as forcément le phénomène de masse. Tu sais, qui... Tu vois ce que je veux dire, ouais. Tu vas suivre ce qui marche peut-être, je ne sais pas, ce qui... Après je sais pas, j'ai pas vraiment la définition exacte du terme, mais voilà. Après, essayons d'aller plus loin à travers cette chronique. Dis-moi. Shinedown est un groupe de hard rock / mainstream / metal alternatif américain, originaire de Jacksonville, comme Limp Bizkit en Floride, là où le soleil brille plus qu'ici. Il brille. Il brille. Shinedown, qu'on pourrait traduire par éclaire le bas, se forme au début de l'année 2001 et signe un contrat dès 2002. Dans la cave, peut-être. C'est possible. S'ensuit un premier album, Leave a Whisper, en 2003, un énorme succès dont je n'ai pas les chiffres, parce que j'ai pas... Deux, c'est ouais, bien deux. Bon, je crois, je... Mais qui aboutira en 2004 sur un DVD live. Donc direct, ils enchaînent avec ça. Ah, carrément. 2005, second album, Us and Them, dont le single Save Me restera en tête du classement Active Rock pendant 12 semaines. I Dare You sera utilisé pour l'émission American Idol et pour la chanson secondaire de l'émission de la WWE WrestleMania 22. 2007, troisième album de Sound of Madness, qui aura à son tour son lot de chansons utilisées dans le désordre pour... Destination Finale 4, le jeu vidéo Madden NFL 09, Night of Champions 2008, un match de WrestleMania 25, j'arrive pas à dire, WrestleMania 25. Le groupe profite aussi de faire une chanson pour le film Alice au Pays des Merveilles et la fameuse chanson qui accompagne le film Expandable de Sylvester Stallone, où comme on l'appelle. Oui, Sylvie. Voilà, Sylvie pour les intimes. Donc, un groupe déjà populaire, si tu veux mon avis. C'est ça. Après des tournées, des DVD et peut-être des vacances, en 2012, sortie du quatrième album Amaryllis, une participation à la BO du film Avenger, et en 2015, un cinquième album Treat to Survival. Et pour l'instant, à ce moment-là, le groupe a vendu un peu plus de 8 millions d'albums à travers le monde. Combien ? 8 millions. T'as un bon petit chiffre quand même. Je connais pas mal. Et comme annoncé dans les news, je l'ai dit tout à l'heure, leur sixième album, attention, attention, paraîtra le 4 mai de cette année, à savoir dans un peu moins d'un mois. Alors musicalement, c'est clairement le genre de groupe américain qui passe en radio. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais c'est vraiment non, ça. Bah... Ça m'a fait penser à ça. Mais un groupe, tout ce qu'il y a de plus efficace. Tu vois, par rapport à ce que je t'ai fait écouter tout à l'heure, c'était la chanson justement d'Expandable. Ah oui, oui, c'est totalement efficace. Ah oui, c'est sûr. Et capable de faire autant de tube rock que de ballades. Très facile d'écoute, hyper efficace. Le chanteur et compositeur Brent Smith possède une gamme vocale qui s'étend sur 4 octaves et qui fait qu'il se permet pas mal de variations. Et on se demande des fois si c'est pas un autre chanteur sur certains morceaux. En live, il se contente du poste de chanteur, alors qu'il a quand même composé tous les titres. D'ailleurs, moi, je les ai vus à la première édition du Download de France en 2016, sur la petite scène, parce que le groupe étant assez peu connu en France, quand même. Le chanteur s'est quand même payé le luxe de venir dans la foule, à un moment donné. Il est sorti avec le micro et c'était super sympa. Puis après, il a serré la main à tous les photographes qui étaient sur scène, dont la mienne. Et j'ai pu constater qu'il était plein de sueur. Voilà. Bref, un groupe que je ne peux que recommander. Mais entre deux groupes que vous aimez bien, pour faire la transition. Tu sais, quand t'as deux trucs que t'aimes bien, pour faire une transition, un truc un peu comme Shine On, parce que ouais. ça passe partout, ou dans une soirée où il n'y a pas que des fans de métal pur et dur, partout, tout le temps. Ah oui. Tu vois, c'est vraiment, pour moi, c'est la définition même de ce que j'appellerais mainstream, dans le sens, ça me faisait penser un petit peu, alors pas musicalement, mais dans l'idée un peu à Five Finger Death Punch, ou certains passages d'Avenged Sevenfold, aujourd'hui en tout cas, où tu dis, ça passe partout. Ça passe vraiment partout. Tu sais, c'est un mélange, je dirais, entre... c'est plus metal que Nickelback, même si, pour info, les derniers Nickelback sont un peu plus rock, un peu plus péchu. Ah ouais. Ouais. Et un peu moins que Five Finger Death Punch. Donc, c'est un entre-deux. Pour ça que je trouve ça vraiment mainstream. Par contre, c'est une machine à tubes. C'est que des tubes. Mais ça alterne chansons calmes, chansons qui bougent, efficaces, sans être ni trop, ni pas assez. C'est mainstream. D'accord. Pour la radio. Ok. Voilà. Mais donc ça passe bien. Et moi j'ai bien aimé ce que j'ai écouté, sans me dire c'est génial machin. Mais à chaque fois que j'écoutais, ça passait bien. Oui, ça passait. Ouais. Voilà. Donc toi, pas de surprise, pas forcément de truc. Il y a même des moments où ça me faisait penser à d'autres choses que j'avais déjà entendues, parce que ça reprend certains codes machin avec une petite surprise. Je te ferai écouter d'ailleurs le nouveau single et tu me diras si toi ça te fait pas penser à un truc. Mais voilà. Donc c'est ça passe. D'accord. Ce sera tout pour Shine Down. Oui, bah après. Oui. Très bien. Merci à toi. C'est gentil. Ça fait plaisir. Ne m'en parle pas. Ah, tu ne sais quoi par quoi commencer. Je ne sais pas. Ouais. Je crois que pour nos 1 an, comme je te disais tout à l'heure, je suis tombé sur le pire tirage que j'ai eu depuis 1 an. À peu près. Ouais, je crois. C'est le pire. T'aurais préféré écouter encore du Baroness ? Oui, éventuellement. Peut-être approfondir un petit peu le sujet. Pourquoi pas ? Quand même, Baroness qui a eu le droit dans le petit guide à. Ah ouais, ouais, j'ai vu une petite photo et tout. Avec tous les albums. Ils ont peut-être écouté le podcast. Ils se sont dit, tiens, dans ta gueule. Ça serait drôle. Ok, c'est très bien. Oui, c'est vrai que j'ai vu les pochettes de Peak Destroyer. Voilà. Ça a de la gueule, c'est sûr. Hein. C'est un style. Non, c'est un style, c'est ce que je te disais. Non, on reconnaît bien, par contre, voilà. La patte du chanteur, hein. Enfin, du peintre. Hein. Donc c'est bien. Oui, non, c'est bien. Non mais j'ai pas dit j'aimais pas, mais oui. Si en fait. Non, j'ai dit que ça me touchait pas. J'avais pas de. Ouais. Ça me parlait pas. T'as de la chance que j'écoute pas nos émissions, sinon j'aurais pu te dire. Ouais, moi pareil. Et puis j'aurais pas écouté. Arrête de fuir, fais ta chronique. Ah oh, dis donc. Sinon ça va toi? Bah écoute, j'attends que tu me dises quel groupe tu vas dire pour le retrouver. Demi-Liche. Aïe, m'appelle Demi. Tu sais où ça joue, ça, ou pas? Ça doit être Altar. On devrait Temple. Marquer, hein. On devrait marquer, hein. Oui. Demi-Liche, Altar, samedi, 12h50, 13h30. Très bien. Donc, qui est un groupe finlandais depuis début 90. C'est du death metal technique et ils ont un album. D'accord. Voilà, il y a un deuxième. Il doit y avoir une espèce de d'anniversaire. Ah, ouais, comme nous. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, j'ai pour les 10 ans. Ah, 10 ans, c'est, ouais, d'accord, c'est, bah, c'est un peu plus important. Ouais. Un album et 10 ans. Ouais, enfin, ils ont refait un truc, je sais pas trop. Voilà. Donc, leur premier album est seul, hein, Nesfit, qui date de 93, mettait en vedette des riffs de death complexes avec des voix extrêmement basses et gargouillées. Ah, d'accord. Ah, c'est vrai ça que gargouille. Ouais, non, ça gargouille beaucoup. L'album contenait de longs et compliqués titres de chansons et des paroles non conventionnelles qui étaient écrites en code dans le livret. Elles n'étaient pas écrites du tout. D'accord, donc il faut... faut traduire. Si, ouais, si tu n'as pas le truc, tu ne peux, peux pas comprendre les paroles. Voilà. D'accord. Je ne sais pas s'ils ont mis un lexique à la fin ou quoi. Alors, c'est amusant, pas malin, mais amusant. Ouais, voilà, ouais. Mais c'est amusant. Donc, il a été présenté dans Terroriseur, le magazine, oui. L'histoire secrète du death metal dans la liste des 40 albums que vous devez écouter. Bah, toi, c'est fait. Bah, du coup, oui, c'est fait. Ouais, ouais. Tu l'as rayé, ça, sur ta liste? Ouais, c'est bon, je peux mourir. Cool. Enfin, cool. Donc, voilà. Les 40 albums que vous avez... Et ils ont commenté, même en essayant de cracher vos poumons tout en vomissant un mélange de haggis mélangé à du fromage de chèvre et du kebab, vous n'y arriverez pas. Ah oui. Enfin, tu vois, il y a un truc vraiment... Qui est coincé. Non, faut... Ouais, ouais, de réjection. C'est peut-être une chouette qui chante. Je ne sais pas. Donc, voilà. Je précise, pour ceux qui ne savent pas, que le haggis, c'est un plat traditionnel écossais consistant en une panse de brebis farcie. Bah, c'est gentil car je ne savais pas, je l'ignorais. Voilà. Donc c'est le haggis. Ah, le haggis, d'accord. Je vais en faire. Ça se fait au Cookéo ou pas? Écoute, la prochaine fois, j'irai chercher recette haggis Cookéo, si tu veux. Et je te ferai ça s'il y a un groupe qui me... C'est gentil, merci. Je mettrai une ligne du groupe et puis je te mettrai la recette pour la suite. Je te la dirai. Donc, l'équipe apparemment de Terroriseur ont testé de chanter comme, le chanteur, bah, du coup. Testé par l'équipe, entre parenthèses, scientifique, bah oui, de Terroriseur, nous pouvons maintenant dire qu'aucun être humain normal n'est capable de reproduire l'effet free vocal affiché par Antti Böhman sur l'unique album de ces Finlandais. Ouais, c'est vrai que je t'ai fait écouter tout à l'heure, ouais, hein, vite fait, enfin t'as écouté un peu, c'est ultra spécial quoi. Mais ouais. Mais les mecs, ouais, ils font vraiment des musicalement, écoute, c'est ultra technique quoi, enfin, ils font que ça quoi. C'est... Mais j'aime bien quand ça change, tu sais. Oui, quand il y a des variations. Mais là, ça change trop. C'est... À la limite, t'as l'impression d'être en train de rechercher une station sur ton, sur ton autoradio. T'sais. Et ouais, non, c'est avec un mec derrière qui va justement vomir sur ta plage arrière, te dire du fromage de chèvre et du kebab. Ça me rappelle des mauvaises soirées, ce truc. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est... Ah oui, d'accord, c'est un album sur les mauvaises soirées. Tout à fait, ouais. Très c'est bien. Pour ça qu'ils en ont fait qu'un. Je pense qu'il n'y a que le chanteur qui a survécu à la soirée. C'est marrant parce que ça peut donner envie quand même, parce que ça a l'air curieux. Ah, c'est totalement curieux. Ah ouais, non, franchement, si le mec il chante comme ça sur scène, ouais, non, c'est. Ah bah tu vois, regarde. Alors du coup, je ne sais pas. Alors attends, c'est la question. Juste à titre d'info. Tu vois combien il ressemble. Petit geste du doigt. Alors attends, parce que. J'allais te dire ce qui passait en même temps pour que attiser ta curiosité. En même temps, il y a Jessica 93 ou Eskimo Callboy. Ah bah écoute, entre les deux, mon cœur balance. Et c'est à quelle heure? 12h50. Ah bah c'est mort, c'est l'apéro. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Non, parce que t'aurais pu aller voir du coup. Ah bah oui, du coup. En tant que... Mais je pense que... Ouais, si... Tu vois, tu si vois j'y suis... Tu prends goût à aller voir des groupes de merde. Non. On n'a pas dit ça. On dit pas groupe de merde. Ils sont finlandais. En plus, ils ont compris de ce qu'on dit. Non, mais le répétez pas s'il y en a qui parlent finlandais. Non, sérieux, déconnez pas. Non, on sait pas. J'y tiens, Jack. Et puis, du comment coup, je vais faire pour la saison 3? T'as aimé ou pas alors? Non, pas du tout. Non, j'ai pas du tout aimé quoi. Mais c'est curieux. Enfin, c'est genre, t'as écouté l'album en entier? Non, j'ai écouté 4 ou 5 morceaux, je crois. Ah, et puis t'as... Vraiment jusqu'au bout pour me dire, ça se trouve, ça... En fait, non. Ça se trouve, c'est moi. Non. Oh, non, j'étais pas à ce point-là. Non. Ça se trouve, c'est moi avec une corde de coude. Ça se trouve, c'est moi, putain. Non, pas du tout. Non, j'ai vraiment... je sais pas, j'essaye d'être un petit peu plus professionnel. Tu m'as engueulé l'autre jour pour me dire, putain, merde, sérieux, Bob, sois un petit peu plus professionnel. Comme les gens, ils y croient pas du tout. C'est exactement comme ça que j'ai dû le dire. Putain, merde, putain. Ah, Bob, dis donc. T'as pendu le pied comme ça. Puis j'avais un miroir, j'ai dit, qu'est-ce que tu vois là? Hein? Regarde, qu'est-ce que t'as vu? Donc, qu'est-ce que tu recommandes? Non. D'accord. Tu m'as bien dit, ça c'est pareil, tu m'as engueulé en disant oh dis donc. Non, si t'aimes bien, tu recommandes. Si t'aimes pas, tu recommandes pas. Oui, mais c'est clair. En gros, comme je suis parti du, c'est ce que j'avais marqué en fait dans ce que j'ai mis en quand j'ai mis les ressources la semaine dernière, j'ai quand même mis au minimum, même quand on recommandait pas, un plus. Et en fait, c'est soit on recommande un peu, soit beaucoup. Et tu m'en parles pas du coup. Bah, tu me dis rien, aucune communication, super, bravo. On va se téléphoner. Écoute, je t'appelle, bouge pas. mais j'ai pas eu l'occasion. Mais en plus, je t'ai dit, tiens, bah va voir. Et tu m'as dit, ouais, c'est pas mal ton truc dont je pensais que t'avais vu. En fait, le coup des plus, non. Parce qu'on en a parlé. Ouais, voilà. Oralement. Non, mais je pensais mettre plus pour recommande, parce qu'on recommande forcément pour des gens que ça peut intéresser. Voilà, c'est ça. Mais le 1 plus. Ouais. Alors, tu vas jusqu'à combien de plus? 3. 3 plus. En fait, le 1 plus, il faudrait rajouter genre une connerie derrière. Alors là, je dirais, je recommande 2 plus. Non, 2 plus, attends, je m'explique. Alors, le mec, il recommande pas, il recommande 2 plus. Je te merde. Je m'explique. Tu peux te taire. Je recommande 2 plus. 1 c'est mon podcast, pour le cabinet des coques. Moi, monsieur, je me tais pas comme ça, je te préviens. Avant de me faire taire. Là, je te demande pas de te taire. Ah non, je peux dire ça ira pas la deuxième année, alors ça sera ça, toi. Non, putain, t'imagines. Et la quatrième année. Ah, je serai tout seul, moi. Non, bah, il y aura plus personne, du coup. Ah, bah, du coup, ouais. Donc, parce que tu te vireras toi-même. Bah, au bout d'un moment, je pense que. Non, parce que je pense que je vais pas finir la deuxième année. Enfin, je vais pas finir la première. Enfin, si, je finis la première. Parce que... Ah, juste pile poil. Ouais, pile poil. Ah, c'est bien en même temps. Donc, vas-y, tu recommandes. J'ai acheté un fraisier. Tu recommandes. Ça équilibre. Tu peux revenir la semaine prochaine. C'est cool. Vas-y. Donc, je disais, je recommande 2 plus 1 pour le cabinet des curiosités. Ouais. Et 2 pour ceux qui apprécient ce genre de musique. Bah non, bah arrête-toi. Alors, en gros. 1,5. Mais non, 1 plus, c'est pour dire, tu recommandes, toi, t'as pas aimé, mais. T'as pas vu le truc. Mais si, mais tu mets la blague derrière, en fait. 1 et tu fais la blague. Ah, d'accord, vas-y. Tu fais recommande plus, et puis tu marques la blague. Ok. Voilà. Tu vois, c'est ça. D'accord. On est d'accord? Plus ou moins, mais ça se réglera. Ouais, je pense que ça va se passer comme ça. C'est la vieille démocratie. C'est clair. C'est mon podcast. Okay, d'accord. Non, c'est pas vrai, je le prends pas comme ça. Je le prends pire. Alors, tu te souviens tout à l'heure, je t'ai fait écouter un truc qui était un peu pagan. Oui, pagan death metal. Voilà. Donc, c'est de ça que je vais parler. Alors, attends, je regarde quand est-ce que ça passe. Alors, par contre, j'ai oublié le nom. Ah non, c'est ça. Non, faudrait vraiment qu'on écrive. Hein. Ouais, faudrait qu'on se. Ce serait plus simple. Bah, c'est maintenant ça. Qu'on sait. Oui, bah, d'habitude, on le marque en plus quand est-ce que ça passe. Donc là, on a juste un peu. Moi, je crois que je le marquais pas, moi. Non, bah, je le marquais. Parce que j'avais un doute, forcément. Non, mais je le marquais, moi, parce que je. Ah, ouais, c'est bon. Donc. Cocorico fait le coq le matin pour annoncer au monde qu'il est l'heure de se lever et pour aussi saluer Drachwald, dont le nom est d'origine germanique, qui est un groupe de death folk pagan metal. Ah oui, compliqué quand même. Fondé à Tours en 2009 par Marc, guitariste et chant en colère, et Thibaut, avec un D, à la basse et au chant moins énervé. Donc, ils vont passer à Altar le vendredi à 10h30, de 10h30 à 11h. Ils sont que deux ? Non, mais ça a été fondé par eux. Ah oui, d'accord. Donc, ils vont passer en même temps que Malmort et Fange, qu'on n'a pas encore eu le plaisir. Ah, bah écoute, peut-être ce soir. Donc, c'est eux qui ouvrent. Qui ouvrent le bal. Ouais, voilà. D'accord. Donc, entre ça et Malmort, bah, spoiler, j'irai plus voir Drachwald. Ah ouais, ouais, bah ouais, parce qu'en fait... Pagan, ouais, en même temps, ce que j'ai écouté tout à l'heure, moi, ça m'a pas plus non plus. Donc, après une première démo en 2012 intitulée Forgotten Lands, puis un premier album, Resist Fatality, en 2014, après un passage remarqué au Motocultor 2015, Le groupe atteint la somme de 5000 euros au financement participatif de leur second album, Riven Earth. Bien joué. Album plutôt bien produit. Apparemment, tout l'argent n'est pas parti en bière. Les mecs n'ont rien compris aux participations. Contrairement à certains. Nous, on aurait fait ça, c'était que de la bière, que de la bière, que de la bière. T'imagines si on avait le fric, là. C'est du pagan, personne n'écoute. Là, j'aurais pu isoler la, la pièce. Avec 5000 euros, j'espère. T'en aurais eu pour 15 balles, qu'est-ce que tu me fais chier. Boîte d'œufs, c'est bon. Voilà, j'en ai plein à la maison. Oui, j'ai vu. Ah, donc, Il y a des trucs de McDo aussi. Ça fait le même effet. Bah ouais. Alors, un album plutôt bien produit, avec un thème résolument engagé autour des problématiques environnementales et leur lien avec les religions païennes, ce que j'aurais appelé, moi, un album biologique. Allez, comment ? Elle est bien ou pas ? Ça va. C'est la petite tête que t'as fait. Ouais, que t'es un peu trop content de dire. Ouais, t'as ça. Vu ? J'ai trouvé un truc. Alors, musicalement... Ouais, pourquoi alors, pas ? C'est un mélange de musique et de bulot. Mais, et de busier. Et de busier. Qui est un vin rouge, ma foi. Ah, c'est-à-dire, en fait, c'est comme ça. Moi, je suis plutôt musicalement. C'est-à-dire que je bois du busier quand je fais mes chroniques. Tout en écoutant. Donc, musicalement, ça me fait penser à du In Flame. D'accord. Du In Flame pour la partie death, avec un mélange entre le chant des premiers albums qui était plutôt très death et les mélodies plus récentes. Alors, pas la mauvaise partie, hein, celle qui est encore écoutable. Et pour le reste, avec des refrains au passage ou certains passages totalement paganes, où la flûte, la cornemuse apparaissent presque avec surprise. Tiens, un flûtiste, comme j'aime le dire. Ça fait un contraste qui marche plutôt bien. Est-ce que tu en vois souvent? Non, mais justement. Sur les remparts. J'imagine vraiment sur scène, les mecs sont en train de jouer leur def, et puis au refrain, t'as un mec qui arrive avec sa flûte ou sa cornemuse. En sautillant. Ouais, c'est genre, tout surprenant. Ah, ils ont un flûtiste. donc, je suis pas particulièrement fan du chant def, mais ça le fait. Encore une fois, et c'est très bête de le dire, mais je suis impressionné par la qualité de nos groupes français et mon inculture sur ce sujet. Et donc, je recommande chaudement Drakwald, qui a fait un plutôt bon mélange de pagan et de death mélodique, même si peut-être que ça existe ailleurs, je ne sais pas. Je n'ai pas assez de connaissances dans ce domaine-là. Oh bon. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié et je trouve que c'est d'une qualité assez... remarquable pour un groupe français, ce qui est encore une fois très surprenant. Voilà, je recommande plus. Je pense que c'est un groupe que j'irai voir si j'étais au Hellfest. Voilà. Des fois que le doute subsiste. Ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien de préciser, il faut. Tu vas faire quel groupe que je cherche pendant que tu fais je sais pas quoi là ? Là, je vais faire Stone Sour. Ah, au fait, t'avais pas d'autres news parce que t'en avais peut-être mis de côté qu'on a zappé. Comment ça ? Bah, tout à l'heure. Parce que... par rapport à moi personnellement, Jean. Ouais. Non. Et t'avais. Et Trello alors, t'as essayé ou pas ? Non, pas encore. Génial. Ouais, c'est génial. Cool. Non, déjà, j'ai installé le truc que tu m'as mis là, que tu m'as conseillé avec pour gérer les pages, machin. Ah oui, alors, c'est bien ? Ouais, c'est pas mal, ouais. Ok. Ouais, c'est bien. Bon, bah, on reprend le cours de l'enregistrement. Tout à fait. Alors, Stone Sour, ça va passer en Main Stage 2. Non, mais. Stone Sour, ça va passer en Main Stage 2 le vendredi à 22h20 jusqu'à 23h20. Donc, une heure de show. Alors, attention. Attention. Ah, faisais gaffe. C'est à cheval sur le set de Suffocation ou de I Had God, d'un côté. De l'autre, Therion et Bad Religion. Ah, là, Il y a de quoi se couper une couille. Ah ouais. Bah ouais, parce que toi, tu vas hésiter entre Therion, du coup. Je vais en parler à Patrick, toi. Alors, Stone Sour. Putain, je l'ai pas vu tout de suite. Ok. Pourquoi ? Et après, d'accord, très bien. Parce que c'est pas très esthétique. Alors, donc. Stone Sour. J'ai envie de chialer. Référence au Parasite. C'est bon ça. Donc, groupe états-unien. C'est vrai. Comme j'aime à le dire. Ça faisait longtemps. Je l'ai même pas dit en plus dans ma chronique d'avant. C'est vrai. Ouais. Ils donc, étaient états-uniens ? Non, ils étaient finlandais, mais comme j'aime à le dire. Donc, c'est considéré comme du metal alternatif. Pour ta part. Et... Pour ma part, comme j'aime à le dire. C'est ça ! Zach ! Et post-grunge, donc moi j'ai écouté Come Whatever May. Ah. Parce que tu m'avais conseillé d'écouter plutôt les premiers. Ouais. Hein, oui. C'est... Voilà. Donc ils étaient présents, actifs de 92 à 97 ouais. Et depuis 2002. Est-ce que tu n'as pas des choses particulières à dire sur ce groupe ? Oh, dis donc, tu te calmes. Si. Stone Sour est un groupe de métal alternatif originaire de Des Moines, dans l'Iowa. Ouais, c'est vrai. Il est fondé en 92 par le chanteur Corey Taylor et le batteur Joel Ekman. C'est vrai. On est d'accord. Après plusieurs années peu fructueuses, Corey quitte le groupe en 97 pour se joindre à Slipknot. C'est pas vrai. Et de là, je rebondis. Pip, pou, pa, pou. Merci El Nico pour ces petites précisions. C'est vrai. Stone Sour est le groupe d'origine de Corey Taylor avant de rejoindre Slipknot. Il avait d'ailleurs perdu un concours musical face à Slipknot à l'époque et c'est là que Sean Crown a débauché a débauché Corey de Stone Sour pour intégrer Slipknot et on connaît tous la suite. C'est... Merci El Nico, je te crédite à mort. Voilà, par contre tu t'assois sur tes 3 billets mon gars. Voilà. Par contre tu nous paieras des bières pour la non, forme. Non, 3 billets, un passe, il a demandé. Bah un billet par jour, 3 billets. Un billet de 5, c'est jouable si on s'y met à 3. Mais on est que 2. Non mais... On peut demander à Joe. Non, il va nous payer des bières et c'est tout. Qui ça ? El Nico ? Bah oui. Ouais. Et ce ne sera pas le premier Nico à nous payer des bières. Hey, d'ailleurs, en parlant de ça, Nico, tu nous en dois d'autres. Comme ça, c'est gratuit. Ouais. Bah, de toute façon, on se retrouve peut-être au Hellfest cette année si on y va. Peut-être ! Ouais. On ne sait pas encore. Hein, bah, peut-être moi, je ne suis pas. Rire de merde. Sardonique. Donc voilà, donc El Nico, merci pour ces précisions. Ah, as-tu autre chose à dire sur le groupe ? Donc, moi j'ai noté dans lequel on retrouve également le guitariste James Root. C'était avant ça. Ça c'était avant. Après avoir acquis une certaine notoriété avec Slipknot, Corey et James reviennent dans Stone Sour sans quitter Slipknot pour autant. À savoir qu'en fait, je ne sais pas si tu es au courant, mais en fait. Corey a dégagé James de Stone Sour, bah, va écrire le prochain Slipknot. Quoi, en gros. Sympa le mec. Ils sont sympas. Donc, le groupe sort en 2002 son premier album éponyme, grâce auquel le groupe est nommé 2 fois au Grammy dans la catégorie meilleure performance metal pour le single Get Inside en 2003 et Inhale en 2004. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Stone Sour. Ah oui, donc t'as pas été plus loin. J'ai écouté. Ah oui. Mais t'as écouté que cet album-là ? Non, mais j'ai écouté d'autres morceaux, ouais. Mais c'est trop gnangnan pour moi. Est-ce qu'on ne serait pas justement un peu sur ce que je disais tout à l'heure ? Sur le côté mainstream de la musique ? Bah si, justement, quoi. C'est ce que je me suis dit, quoi. C'est vraiment passe-partout, quoi. Ça passe partout, ouais. Ouais. Là, je sais pas si t'as vu, ils ont ressorti un clip, je l'ai pas mis dans les news, mais il y avait un clip qui est sorti de la semaine dernière, justement, et... c'est une balade quoi. Enfin, ouais, c'est... non, ça, moi, ça j'accroche vraiment pas. Autant il y a des passages vraiment excellents, enfin, ouais, musicalement, oui, c'est bien. Ouais. Il y a une bonne énergie. Et puis Corey chante sont... bien quoi. Ouais, bah ouais. Mais donc, après, c'est les passages trop gnangnan à la voix, moi, j'accroche pas. Voilà, c'est les chants en fait. Quand ils chantent vraiment, tu vois, j'arrive pas. C'est... Bah, c'est vrai que le premier album, il y avait encore quelques relents de Slipknot par certains morceaux. Ouais. Tu pouvais retrouver quelques trucs. Après, il s'est éloigné parce que tu sentais qu'il avait un côté un peu plus pop, on va dire, un peu plus mainstream. Mmh. Et là, il a continué là-dessus. Et c'est vrai que même dans le dernier album, les derniers clips ou les quelques clips sortis, à chaque fois, je disais, mais il n'y a pas d'énergie. Enfin, il n'y a pas la même énergie, il n'y a pas le même truc. Tu as vraiment l'impression qu'il a... Il a deux carrières. Il a son d'un côté le toute la rage et la colère qui se fait avec Slipknot où il se donne vraiment à fond. Vraiment, tu sais, il se prépare psychologiquement avant de rentrer dans son personnage. Et ce côté-là où il a l'air d'être. Je trouve ça assez bizarre d'avoir les deux facettes autant différentes, quoi. Parce qu'il doit être aussi compositeur. Il doit être plus compositeur dans Stone Sour que dans Slipknot, je pense. Et du coup, c'est pas. Je veux pas dire ça d'une manière critique, mais je trouve que c'est un peu. Enfin, c'est vraiment pour le coup un peu plus passe-partout, quoi, un peu plus mainstream, quoi, fait pour la radio, quoi. Moi, ça m'a fait penser au Roadrunner des années 2000. Ouais. Tout ce qui a pu sortir à cette époque-là. Bah, c'était dans l'eau, ouais, un peu. Ouais. Ouais. mais franchement c'était ouais non enfin c'est pas des bonnes années pour le métal américain, c'est trop ouais, hein, puis tu ressens bien que c'est américanisé, enfin tu vois il y a vraiment le côté que tu ressens quoi, t'as juste à écouter tu dis oh ça tu vois. Ah mais c'est vrai que nous on n'a pas cette culture là en France de... Ah non non pas du tout, mais je critique pas, mais non, non, voilà, mais c'est moi j'accroche pas, moi c'est intéressant de dire ça, tu vois que par exemple en France il y a pas de radio métal sens en termes de grosses ouais, radios ouais, de, ouais. Alors que là-bas t'en as plein. Ouais, bah oui, donc il y a forcément des radios à thème et il y a énormément de groupes dits mainstream ou qui passent en radio, ce qu'on n'a pas aussi, donc c'est une autre culture aussi et ça ça doit jouer je pense quelque part parce mais totalement parce que même des groupes de métal comme ça en France il n'y en a pas vraiment des groupes de métal de ce genre là non. Enfin, moi, après, pas ma connaissance. Bah, mais... Voilà, moi, j'en vois pas non plus. T'as des trucs un peu, genre, à la limite, ça va être. Limite, peut-être que ça rapprocherait le plus, ça serait des groupes comme Playmo ou genre ah, de tiens, groupe-là. C'est exactement ce que je t'en pensais. Ça serait un peu ça. Ou Vegastar, qui était un peu dans la même mouvance. Ouais. Mais à part ça. Donc, c'est comme si, en fait, il y avait un côté. Passe-partout, quoi. Enfin, c'est. Mais c'est pas. Tu sais, le truc, c'est que tu dis ça, mais. Ça sonne. Ça te gêne. Toi. Non, mais parce que, en fait, j'ai l'impression d'être insultant là-dedans parce que on voit bien que c'est un truc qui est facile d'écoute. C'est... Ouais, mais c'est pas notre culture. Comme tu l'as dit, quoi, c'est pas notre culture. Donc, après, c'est vrai qu'est-ce que notre culture métal en France, c'est pas évident. Et c'est pour ça, en plus, que c'est un groupe. En fait, c'est étonnamment, mais ça, je trouve que ça rentre parfaitement dans les groupes main stage. Ah, ouais, ouais, ouais. Et donc, bien du sûr. Coup, mais donc, du coup, c'est assez paradoxal, je trouve. Parce qu'on est d'accord pour dire que ça rentre dans ce truc-là, sans forcément toujours vouloir mettre dans des cases, mais on est parce d'accord. Parce que je pense que ça touche la masse. Ouais. Ça touche vraiment énormément de monde. C'est des groupes comme Avenged Sevenfold, ces groupes-là qui sont des grosses machines, en fait. Quoi. Parce que c'est américain. Ouais. Et je pense qu'eux, ils marchent comme ça, tout simplement. Et du coup, peut-être, ouais. Et que peut-être ouais. Les groupes qui font la différence, enfin, de ce qui arrive en France, on a déjà un truc un peu écrémé, qu'on a moins de... On a moins de groupes comme ça, quoi. Parce... Ouais. Bah nous, quoi, j'ai un qui est vraiment connu. Hein. Qu'est-ce qu'on a ? Gojira. Ouais. En métal, black, death metal. Ça va être compliqué, là, je vais aller dans les trucs. Bah connu. Même eux, ils sont plus considérés trop comme death, donc... Oui. Donc... Non, c'est compliqué, hein. Non, mais après, c'est pour ça que c'est assez particulier. Enfin, je sais que pour moi, ça va... Ce genre de groupe va beaucoup plus... passer plus facilement que toi. Oui. Mais je suis la partie mainstream de ce podcast. Hein, il en faut toujours un. Hein. Mais c'est vrai que pour le coup, par contre, les derniers morceaux et le dernier album particulièrement, bah, un peu... Là, ça devient trop, là, pour moi. Mmh. Voilà. Enfin, moi, voilà. Pour dire, Stone Sour, c'est pas du tout ma came. Et je recommande pas forcément. Hein. Donc... Ceux qui connaissent, forcément, vont dire « Oui, mais bon... Bob, t'es qu'un con. Oui. Et ils ont raison. Je le sais. Ils ont raison. Je le sais. Donc, et vraiment, c'est pas un sous Slipknot. Hein. C'est pas. Non, c'est non, deux ça groupes. N'a rien à voir. C'est deux groupes. Faut vraiment le. Ça, c'est important de rappeler les bails. Exact. Donc très bien. Donc tu recommandes plus. Enfin. Ouais, voilà, plus. Ouais. Plus pour ceux qui aiment la radio. Tout à fait. Très bien. Donc moi, je vais passer à mon troisième groupe, à savoir Rotten Sound. Et non Rotten SoundCloud, comme j'ai dit en fin d'épisode de la semaine dernière. J'avais sûrement du mal le taper ou une saisie semi-automatique. T'étais sous. Non, mais c'est... non, parce que quand je l'avais rentré dans la liste, en fait, ça devait être marqué SoundCloud, mais ouais. Ça a dû marquer automatiquement. D'accord. Donc c'est un peu ma faute. Mais c'est pas grave. Donc, d'ailleurs, je le dis là. Comme je l'ai dit lors du tirage au sort la semaine dernière, ça a le prix de saisie semi-automatique. Oh! Flûte. Donc, Rotten Sound est un groupe de grindcore finlandais. Ah ouais, tiens. Originaire de Vaasa. En suédois, on dit Vaasa, mais sinon ça s'écrit Vaasa. Comme la cracotte. Je m'en doutais que t'allais dire cette blague. Non, mais non, c'est pas une blague. Non, mais... non, parce que la cracotte, c'est W. Voilà, bah c'est ça. Bah là, c'est un mais V. Nos auditeurs veulent savoir. Et c'est important. Eh bah, ben non, c'est pas comme la cracotte. D'accord. Bah vas-y. Et bien, Vaasa, qui est situé à 420 km de la capitale Helsinki. Je peux continuer ? Je t'ai empêché de faire ta chronique ? Bah non. Tu peux respecter les chroniques des gens ou pas ? Je te retourne le compliment. Alors oui, je peux, mais je ne vais pas. Ah, voilà, c'est ça. Donc, 420 km de la capitale Helsinki, alors plutôt au sud-est, sur la côte du golfe de Botnie, dans la province... Au sud-est ? Bah, pas, non, mais par rapport à la carte. Mais oui, sud-est, mais parce que pour toi, non. Et si... Bah, je sais pas, tu montes plus vers le nord-ouest. Là. Mais non, mais parce qu'il faut que tu imagines un plan. Toi, c'est un plan sud-est. Tu vois le putain, sud. Je vois pas. Je suis désolé, je vois pas. Alors déjà, on n'est pas du même côté, donc j'ai pas trop de... Bon, à la sud, t'es d'accord ? Comme oui. Ça. Est. Bah non, ouest. Est. Est, c'est à droite. Ouest, c'est à gauche. Ouais, ce que je dis. Mais non. Bah si. Bah alors non, oui. Eh ben, oui, mais si. Bah, en gros, ça... Alors, attends. Et le sud, c'est en bas. D'accord, oui, mais donc c'est par là, en fait. Par rapport à la... Par rapport à la rose des vents. Voilà. La rose des vents, c'est là. Là, c'est ça. Ah oui, c'est là, d'accord. Donc c'est là. Dans ce petit truc-là. Bah c'est ce que je dis. Ah, c'est là, du coup. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Donc... Ah, mais tu montrais le nord-ouest, donc, c'est pour plutôt, ça. Donc pas... plutôt sud-est. Non, vas-y, passe. Sur la côte du golfe de Botnie, dans la province de Finlande occidentale. C'est la capitale de la région d'Ostrobotnie et compte près de 60 000 habitants. Ah, quand même. Mais ça m'a surpris, moi, perso. 60 000 ? 60 000. C'est amusant. Ah, dis donc. À Vaza. Apparemment, quelque chose te fait rire. Fait amusant, la Vaasa est officiellement bilingue. 71% de Finlandais, non, 71,5% de Finlandais, 24,9% de Suédois, ce qui nous fait un total de 96,4%. Il y a donc 3,6% de rebelles. C'est ça. Parce que je... Voilà, c'est amusant. Formé en 93 par le guitariste Mika Aalto, dès 94 commence la sortie de quelques EP, puis un premier album en 97, Under Pressure. Rien à voir avec ah oui, c'est ça. Queen. Rotten Sound, qui veut dire son pourri, fait partie avec Nassum et Regurgitate. Oui, je vois le mot, mais j'ai du mal. Regurgite. Ouais, mais Regurgitate. Donc Regurgitate. Alors, avec Nassum et ça, les trois font partie des groupes de la scène grande nordique ayant influencé toute une génération de groupes. En Europe, bien sûr. Et dans le monde. Je devrais finir mes phrases. Ouais, c'est ça. Mets un point à la fin. Mais oui, c'est ça. Ça aide. Alors, ah oui, d'accord. Donc ça a influencé. Ah putain, en plus, il me rajoute des blagues. Ok. Vas-y. Alors, blablabla. Les trois groupes de la scène graine nordique ayant influencé toute une génération de groupes en Europe et dans le monde, y compris moi, je déteste ne pas être comme tout le monde. Oh putain. Oh bah tiens. Comme c'est souvent le cas pour les groupes de grindcore, les textes du groupe traitent de questions sociales et d'actualité, mais ont aussi pour thème le gore et la violence. Normal. Alors, s'ensuit une question sur une thématique que tu m'as déjà évoquée, en savoir, oui, mais le grindcore, quelque part, c'est de la blague. J'ai dit ça, moi ? Ouais, t'as dit ça, ouais. Ah, merde. T'as dit, ouais, le grindcore, c'est jamais vraiment sérieux. Donc, du coup, ma question, elle est des questions sociales ou d'actualité, mais aussi des thèmes gore et la violence. Ça sent un peu le sérieux, quand même. Ça se rejoint un petit peu, quand même. C'est pas ambivalent. Le social... Hein, c'est pas ambivalent. Non. D'accord. Non, je pense que tout se rejoint. Le climat social, la violence, bon, le gore un peu moins. Mais ça, c'est plus la partie underground. Donc, en fait, quelque part, de la population. Pour toi, le grindcore, c'est amusant, c'est ironique, c'est un pied de nez à la société. Oui, je pense. Mais un pied de nez assez court. Oui, c'est ça. Parce que, je pense que oui, c'est un nain. Je préfère qu'on dise une personne de petite taille. Non, un pied de nez de petite taille. Un pied de nez d'une personne de petite taille. Bah, pourquoi d'une personne ? Arrête de préciser. Pourquoi toujours cataloguer les choses, les mettre dans des petites cases ? D'un arbre de petite taille. Un arbre de petite taille, voilà, très bien. Groot, par exemple. Par exemple. Alors du coup, moi j'ai eu beaucoup de mal à écouter, c'est le groupe que j'ai le moins écouté des quatre. Pourquoi donc ? Bah parce qu'en fait, je l'ai mal reçu. Ah, il y a deux groupes comme ça que j'ai mal reçu, celui-ci et le dernier. Mm-hmm. Et du coup, bah, j'y allais un peu à reculons. Et en fait, j'ai pris que le côté grindcore en pleine face. Et bah, je suis resté un peu en dehors. Donc ce soir, au boulot, j'ai essayé de m'y remettre. Je suis reparti, j'ai voulu me faire les albums dans l'ordre. Et j'ai refait le premier album, donc Under Pressure. Under Pressure. qui en fait m'a beaucoup plus plu. Ouais. J'ai été beaucoup plus à même de l'écouter. J'ai trouvé plein de choses qui, selon moi, ont influencé d'autres groupes, justement, mais pas forcément dans le grindcore. Mais par exemple, j'ai retrouvé des références qui m'ont fait penser à Slipknot et tout ça même. Donc, je comprends effectivement que ce groupe-là, à ce moment-là, ait été source d'influence. Parce qu'il est pas, il sonne pas grindcore au sens propre du terme. Par contre, dès le deuxième, troisième et à la suite, ouais, là on est sur du grindcore pur et dur où j'ai un peu décroché pendant mon écoute. Mais le premier album a pour moi plein de variations et plein de niveaux différents qui a, je sais plus combien de morceaux, qui est passé quand même assez vite. Hein, c'est l'avantage, on va dire. C'est le grindcore. C'est le ouais, mais c'était moins, c'est moins marqué dans ce premier album, je trouve. Uh-huh. Il a quand même 22 titres, hein. Donc ah oui, quand même. 22, ouais. Et donc c'est passé assez rapidement dans l'ensemble. Et du coup, c'est assez compliqué parce que ce premier album, je l'ai plutôt bien aimé, entre parenthèses. Je n'irai pas forcément jusqu'à dire oh là là, il va faire partie de ma discographie, mais je l'ai plus aimé que ce que j'avais écouté. Et la suite derrière m'a moins plu. Donc, est-ce qu'ils étaient aux prémices de ce qu'allait devenir le grindcore ? Une fois qu'ils avaient défini ce style, une fois dedans, bah là, moi, je n'aime pas trop. Parce qu'il y a de temps en temps des petits passages, même trash, que j'arrive à retrouver, que je trouvais assez intéressant, qui faisaient un peu durer le morceau. Mais sinon, après, ça retourne en rond comme du grindcore de base, qui est, on balance la patate pendant 1 minute 30 et puis on s'arrête. De manière, on comprend rien à ce qu'il dit. Alors, ça peut être engagé ou pas. Bah oui, c'est ça. Voilà. Donc, je recommande plus pour le premier album, mais pas pour le reste, quoi, parce que... Faudra préciser. Bah, j'essaierai de préciser. J'essaierai surtout d'aller écouter la suite. J'ai pas écouté tous les albums jusqu'au bout. Donc, ouais. J'essaierai d'aller plus loin pour être sûr, mais j'ai pas... Voilà. Ça m'a pas... le grindcore, quoi. Ça m'a, par contre, continué mon envie de connaître plus le style. Pour mieux le comprendre. Voilà. Pour l'apprivoiser. Non, mais pour être sûr vraiment de pas dire de la merde, parce que quand j'ai écouté le premier album là, je me suis dit, putain, mais si ça c'est du grindcore, tout le reste c'est pas du grindcore, où ils ont... Alors qu'après, dès le deuxième album, ah oui, d'accord, je recommande. D'accord. Tu me feras écouter la différence. Ouais. Okidok. Oki. Dis donc. Eh bien, moi, je vais... Ah, attends, je peux juste... J'ai oui. pas précisé où ça jouait. Alors, oh, ce serait bien du Altar, ça. Bah, je cherche vite fait. J'ai... En tout cas, encore une fois, je suis content parce que je ne connaissais pas ce groupe-là. Mm-hmm. Et du coup, maintenant, je connais. Tu vois, donc, oui, je vois. Donc, ça, c'est plus agréable de, quand tu ne connaissais pas et que maintenant... Bah, tu connais. Voilà. Moi, je vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, je vois bien. Parce que, par exemple, le Running Order, quand je l'ai lu, je dis hey, je connais. Tu vois ? T'as pas fait ça, toi ? Non. Ah, il non, passe. Ce côté un peu mexicain. Dimanche, Altar, 15h55, 16h35. Ah, j'avais dit Altar. Ah, t'es bon. Ah, j'aurais dit. T'es un champion, pareil. Mec. T'es un champion. On représente. On enchaîne. Oh. Excuse-moi, je te coupe. Donc, je vais le dire correctement. Pour, vas-y. Pour ce coup-ci. Dimmu Borgir, qui est un groupe. D'accord. Ça m'a surpris. Ouais, t'as vu ? Ouais, tu t'y attendais pas ? Non. Et ça fait quoi ? Je veux dire, ça... Tu l'as bien dit. Merci. Samedi, 1h05 à 2h05, face à Parkway Drive et à Cro-Mag. Ok. Merci pour cette précision précise. Je suis comme ça, moi, je donne tout ce que je peux. Dimmu Borgir, qui est un groupe de black metal symphonique qui vient de Norvège. Et qui est en activité depuis 1993. Le groupe tient son nom d'une formation volcanique observée en Islande à... À la queue-leu-leu ? À la... Non. Non. Non, c'est pas ça. Ah, je suis pas très fort. Je te le donne dans le mille. À Helsinki ? À Dimmu Borgir. Il y avait un piège et je suis tombé dedans. Eh ouais, pile poil. Trop fort. Le groupe a subi plusieurs changements au niveau de ses membres. Le guitariste Sile Nose et le chanteur Shargart restent les deux membres fondateurs à l'heure actuelle. Ce sont les premiers avec Emperor, enfin, d'après ce que j'ai lu, à utiliser du clavier dans le black metal. Mmh, et quelle bonne idée, hein. Voilà, donc ça c'est pour la fin. Et à toi. Non, mais non. Non. Quoi? Bah t'en as écouté un peu? Ah bah oui, j'en ai écouté un peu, beaucoup de trop en fait. De ce que mon petit cœur peut... T'as écouté quoi? Peut engranger. Engranger? Ouais. Alors? J'ai écouté le premier album. Oh merde, pourquoi t'as fait ça? Eh ben parce que je ne connaissais pas Dimmu Borgir sous cet angle-là. Ah, et alors? Ah ben, je suis déçu encore plus. J'ai écouté une bonne partie du deuxième. Et j'ai écouté l'album qui est sorti en 2016, je crois. L'avant-dernier, là, avec le crâne et les cornes, avec les trous partout. 2016 là. 2016 ou 2017, je sais plus. Non, ils n'ont pas sorti d'album depuis 11 ans, je crois. Ah bah, c'est ce que j'ai vu sur Spotify. Oui, mais non, mais c'est les dates bon, correspondent pas. C'est le dernier, leur dernier album. T'as pas vu, c'est marqué derrière... Derrière le carton? Non, derrière le magazine. Attention, ne pas ouvrir. Hein. Mais non. Fragile. Mais non, mais tu dis n'importe quoi. Bah, comme d'habitude, de toute façon. Ah, j'ai plus de bière, putain. Si, il y en a, là. Où, quand? À tes pieds. Hey, ah bah oui, on a de la réserve. Mais non, 2017, il n'y en a pas, normalement. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, alors, tu vois. Donc, je suis pas non plus totalement con. Oh, alors, on est d'accord. Pour non, tu dis rien. Non, je sais que tu n'en penses pas moins. Non, bah, non, j'allais dire pas totalement. Donc, voilà. Donc, je sais pas, attends. Je vais quitter ce podcast de toute façon. Mais pourquoi ça faire? Il n'y a rien de mieux dans ta vie. C'est, bon. C'est quoi? Bah, si. Attends, c'est lequel que tu as écouté? Abracadabra? Ouais, non. C'est ça, je crois. Ou non, Forced avec... of the Northern Night? Oh, bon, tu me racontes des trucs, là, je ne sais plus. Montre-moi la pochette. Alors. C'est celui-là. Abracadabra? Ouais, c'est ça. Il est de 2010. Eh ben, bizarrement, j'ai apprécié celui-là plus que les autres. Ah, bah, tu vois. Parce que justement, ils ont moins le côté clavier tout pourri. Est-ce que tu as écouté l'extrait que j'avais mis sur la page? Kitsch, je trouve. The Wolf de je sais pas quoi là. The Wolfhound? Non, j'ai pas. Non. Non. T'as pas. Non, j'ai pas. D'accord. Mais voilà, pour dire que le dernier, j'ai plus apprécié que. Parce que justement. Malgré bien que. Oui. Qu'est-ce que je vais. Non, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien. Continue. Malgré que justement, il y a toujours ces petits sons de synthé, machin, qui sont désagréables à mon oreille et qui me font des frissons partout. Qui disent, qu'est-ce ouais, que je suis c'est d'accord. Mais justement, dans l'extrait du futur album qui va sortir, là, eh ben, il y avait. C'était un peu différent encore et moins désagréable. Il y a moins de claviers, je trouve. Bah, celui qui est dans le rock-art. Ouais. Ouais. Oui, j'ai trouvé. Bah, c'est ce qu'on se disait justement avec parcimonie. Bah, on a écouté d'autres morceaux. Et bah, à la rigueur, tu vois, c'est Dimmu voilà. Borgir qui est le moins désagréable à écouter. Tu vois. Ah bah, tu vois. Étrangement. Et ben donc. Mais non, mais l'album Abracadabra, j'ai pas trouvé ce côté, tu vois, ouais. Trop clavier. Donc ça c'est limite, à la limite du kitsch pour moi, tu vois. Oui, mais donc ça pourrait passer là. En fait, la partie black metal sans le symphonique pourrait passer. Ah mais la musique, oui, ça passe. Mais moi, c'est le clavier, moi. C'est... Je sais. Je ne te dis que ils s'en mettent partout. Mais c'est ça, à toutes les sauces. Partout. Tu vois, hop là. Je suis sûr, les morceaux, ils sont bien. Puis quelqu'un, bah, attendez, il manque un clavier. Ouais, c'est ça. Et si je mettais tout. Oh, t'es pas obligé. Je suis sûr qu'il se fait engueuler le mec en plus quoi. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est peut-être lui qui paye les mecs et tout. Donc, peut-être ouais. Ou il paye le studio. On a pas le choix. Ouais, c'est son studio, c'est le studio de son père. Putain, ouais, c'est ça. On a pas le choix. On a pas le choix de mettre du clavier. C'est le studio de son père. Oh, qui c'est ouais. qui lui dit? On peut pas le virer. On peut pas le virer. Putain, je lui dis pas. Moi, je veux rester dans le groupe. Pareil, putain. Je peux pas trouver ailleurs. Donc tu recommandes? Oui, je peux recommander. Je mettrai un plus. Alors, je te rappelle, on met un plus de base. Non, mais je peux recommander sans plus, moi. D'accord. Mais... Plus ou moins. Donc, tu. Tu vois d'accord. Plus slash moins. Donc là, tu recommandes plus ou moins? Non, je recommande plus. D'accord, avec pas de. Non? Non, aucune recommandation de plus ou quoi que ce soit. Je ne dirai rien de plus. De toute façon, tu n'auras rien de moi. Je pense qu'au bout d'un an, tu as pris un peu le melon, mec. Non, c'est juste que je ne sais pas quoi dire sur Dimmu Borgir. C'est bien, t'as très bien dit. T'as dit t'as écouté le premier, ça t'a pas du tout plu. J'ai écouté un peu du deuxième. Là, ils ont commencé à foutre du clavier. Parce que le premier, il n'y a pas de clavier. Mais le son doit être dégueulasse, non ? Oh, mais le son, c'est, bah, c'est le c'est premier catastrophe. Black Metal, c'est horrible. Le premier morceau. T'as entendu souffle. Ouais, non, c'est une catastrophe. Enfin, pour ma part, c'est... Non, mais beaucoup de premiers albums de Black Metal. J'étais fatigué, tu sais, j'étais dans le canapé en train d'écouter. J'avais les gamins qui étaient avec moi, machin. J'étais en train d'écouter. Ah, t'as peut-être fait un mix. J'étais limite, tu vois, comateux avec du gros filet de bave, là, comme ça, en écoutant du premier album de Dimmu Borgir. Ah non, non, mais c'est... C'était, je me suis dit, je vais passer au deuxième, ça va peut-être plus bouger. Parce que vraiment, et c'est... Ah ouais, et puis là, bah non. Là, j'étais dans un plus un état catatonique. Non, mais écoute, c'est bien, tu vois, je te félicite parce qu'à une certaine époque, t'aurais pas écouté autant. Mais complètement. Tu vois. Bon, l'abonnement Spotify aide, sûrement. Oui. Ou tu t'es rendu compte que... Voilà, non, mais c'est bien. Non, mais tu vois, non, c'est bon. Pour moi, t'as largement... t'as bien parlé du Memorial. Tu partais quand même avec tellement d'a priori que déjà d'avoir écouté tout ça... Ah bah, je fais... c'est pour toi, je le fais, mec. C'est gentil. Ça me fait plaisir. Ça me touche. Parce que c'est ton podcast. Non. C'est notre podcast. Arrête de dire ça. J'ai jamais... le nom est déposé, tout ça, mais ça n'a rien à voir. Quoi, je te fais gâcher de la bonne bière? Je t'ai pas. Dernière encore, je t'ai dit de pas faire ça. D'accord. Bon, je passe à mon dernier groupe. Flûte. Tu es prêt? Je sais pas. Que c'est... Vas-y, dis-moi. La semaine dernière, j'ai évoqué avec le groupe Au-dessus, tu te souviens? Oui. Le groupe donc de Lituanie, qui avait fait écho à ma partie sombre. Exact. Cette semaine, un groupe a poussé le potard un poil plus loin. Tout en parlant à ta partie sombre. Il s'agit du groupe Pensée Nocturne. Oula. Premier point. Sur le site commentmieuxdormir.com, à la rubrique Pensée Nocturne, j'ai trouvé quelques réflexions pour aider à trouver le sommeil. Es-tu prêt à les entendre? Je sais pas, j'ai envie de pisser. Personne ne sort de son lit pour dormir par terre. Oui. C'est quoi, c'est une question ? Non, c'est une pensée. D'accord. Le week-end arrive, je crois qu'on a besoin de repos. C'est un proverbe indien. C'est formidable. On n'a jamais autant besoin de vacances que lorsque l'on en revient. Mais où veux-tu en venir ? Et ma préférée, il y a 4 âges dans la vie de l'homme. Celui où il croit au Père Noël, celui où il ne croit plus au Père Noël, celui où il est le Père Noël, celui où il ressemble au Père Noël. Et tout ça est tiré de... Du site commentmieuxdormir.com. Parce qu'en fait, voilà ce qui se passe quand je ne trouve pas beaucoup d'informations sur un groupe. D'accord. J'ai trouvé... Je devrais faire ça aussi, moi. Sur Pensée Nocturne, j'ai trouvé une interview, 2-3 photos. Donc, j'ai décidé de faire 100. Eh bien, fais 100. En l'occurrence, le groupe, ou plutôt le one-man band Pensée Nocturne, de black metal avant-gardiste a été créé par Vairon, ou Véron, si on lit une fois, mais je ne sais pas trop. Leader, compositeur, multi-instrumentiste et chef d'orchestre en 2008 à Paris. Donc, Cocorico, même si on ne va pas vraiment dire Cocorico, parce que je pense que le coq, il l'aurait tué, en fait. Le truc. Ah ouais. Ouais. En 2009, Vacuum, premier méfait chez les acteurs de l'ombre production, comme Au-dessus la semaine dernière, ouais. Si tu t'en souviens bien. Ouais. 2010, Grotesque, second album. 2011, Ceci est de la musique. 2013, Nom d'une pipe. Et 2016, À boire et à manger. Ma première réaction sur la musique a été un rejet direct. En fait, j'étais en voiture et je découvrais la playlist comme je fais pour toutes les semaines. Et le moment s'y prêtait pas du tout. Donc du coup, je passais les chansons et j'ai pas du tout pu écouter en fait. Deuxième écoute et première découverte, un univers. Sale, une ambiance un peu malaisante, des images qui apparaissent dans mon esprit et surtout la bande originale de tous les cauchemars possibles et inimaginables. Un cirque, un freak show, mais pas à la Avatar, moins pop, moins flashy, plus ambiance Jacques l'Éventreur et au fil de la musique, une histoire. Je par exemple imaginais un numéro où un enfant un peu différent serait présenté comme on présente les monstres de foire. Et le chant torturé, parce que ça reste du black metal, serait les cris de cet enfant. Et la fin du morceau, il y a même eu des applaudissements, comme si c'était également la fin du numéro. À un autre moment, j'imaginais clairement une scène de la suite du Silence des Agneaux, Hannibal, avec le personnage de Mason Verger qui a été torturé par Hannibal et poussé à se mutiler lui-même le visage. La musique me faisait autant penser aux cris que pouvait pousser la victime qu'une mise à nu de l'esprit du psychopathe. À d'autres moments, je revoyais des scènes d'Orange Mécanique où j'avais l'impression d'entrer dans l'esprit jusqu'à la fameuse scène de torture qu'il reçoit lui-même censé le soigner. Tu sais, quand on lui écarte les yeux et tout ça. Je vois bien, je vois bien. Et justement, l'une des photos du groupe que j'ai vues reprenait un peu de cette esthétique, ainsi que des maquillages de clown. Du coup, là, Bob est parti pisser. Bah ouais, mais si tu t'entends, tu vas pas entendre ce que je dis, et c'est intéressant ce que je dis. Tu m'entends, mais de loin. Je t'entends. Et nous, on t'entend faire couler de l'eau pour pas qu'on t'entende pisser. Ah, on t'entend comme si t'étais là. Hein. Ah, on t'entend pisser, mais c'est violent. Ah. Ah. Là, moi, je sais plus quoi dire. Faudrait que je meuble. Hein. Alors, Dévonium. 400 millions d'années avant nos jours. C'est une méduse. Il y a 550 millions d'années, alors que la terre ferme était sans vie, les mers et les lacs pullulaient d'animaux et de végétaux. Certains ont disparu, d'autres, comme les méduses, ont survécu. Elles se nourrissent de particules qu'elles saisissent avec leurs tentacules. En d'autres termes, on appellerait ça des femmes. Non, je déconne, je déconne. Non, je suis pas misogyne, je m'en fous. Je l'avais pas déjà lu, ça, les méduses ? La méduse ? Ouais. Si, certainement. Bon, alors j'en étais où ? On était à la fin de... D'accord, bah tu sais pas, très bien. Mais si, tu parlais d'Hannibal Lecter... Bref, j'ai ressenti tout ça parce que ce n'était pas du black metal pur et dur. Justement, le Sieur Veyron se permet tout, que ce soit des passages jazzy ou des ambiances cabaret burlesque, avec des fois l'impression d'être dans un club de blues. À un moment donné, en fin de morceau, j'entendais vraiment comme dans un truc et c'était complètement dingue. Voir des passages classiques au piano, avec de longues intros où t'as vraiment l'impression d'écouter une superbe pièce classique où d'un coup ça part en black metal sans que ça soit forcément choquant pour moi, j'entends. Oui, bien sûr. Je sais que des fois t'aimes pas ça. Par contre, c'est assez éprouvant comme écoute parce que c'était très lourd et très très très sombre. Ouais. Du coup, au bout de deux albums, j'ai eu besoin d'écouter autre chose. Ça a commencé à agir vraiment sur ma psyché. Du coup, j'ai remis un peu de Shine Down et j'ai pris le temps de revenir à quelque chose de plus positif. Au final, j'ai pris Pensée Nocturne comme un projet artistique qui essayait de vraiment mettre en musique la noirceur du monde avec tous les instruments possibles, toutes les ambiances, avec tout son éventail de sensibilités, aussi sombre soit-elle. Sachant qu'il n'y a qu'un seul homme derrière tout ça. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais vraiment l'impression que c'était un projet artistique, le truc. J'avais pas l'impression que c'était, que c'était un groupe de musique. J'avais l'impression que c'était vraiment un projet artistique et j'arrivais pas à comprendre comment ils pouvaient se mettre tous ensemble à composer quelque chose. Et en fait, quand j'ai découvert qu'hier soir qu'ils étaient que le mec était tout seul, j'ai dit ah bah ouais, du coup c'est cohérent. J'ai vraiment pris le truc comme une démarche artistique de quelqu'un qui a dit bah moi j'ai montré tout le truc le plus sombre du monde quoi. Oui. Et la finalité, c'est que j'ai trouvé ça fort intéressant, bien qu'un peu malaisant. J'ai écouté trois albums, Vacuum, Grotesque, voilà, c'est bon, et Nom d'une pipe. Je ne dirais pas que je recommande parce que je ne vois pas de moment où je pourrais avoir envie d'écouter ça. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. C'est vraiment le bilan que je me suis fait du truc. J'ai dit ok, je trouve ça intéressant. Ça m'a fait penser à vachement de trucs, ça m'a fait ressentir plein d'émotions. Mais j'ai pas forcément envie de ressentir ça à nouveau. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Par contre, je reste quand même curieux des deux autres albums que j'ai pas écoutés. Mais je vois pas de moment en fait, dans la journée où je dis tiens, je mettrais bien un petit peu de Pensée Nocturne. Mais à côté de ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça me. T'as des ambiances de. En fait, pour moi, ça serait vraiment. Tu sais, quand tu vois un film d'horreur et que t'entends la musique derrière et tu vois déjà, ça crée toute une ambiance et tout. C'était ça, quoi. Ouais. T'as vraiment, je voyais vraiment des dans ma tête. Mais j'ai un nom, moi, qui me vient, c'est Devil Doyle, mais après... Ah, je connais pas. Tu connais pas ? Non. Mais tu sais, disait sur la musique de... Et voilà, j'ai re-un trou de... de notre réalisateur préféré, Rob Zombie, de qu'elle était vachement visuelle, sa musique. Là, c'est un peu dans la même idée. Ça me faisait vraiment, je pensais vraiment à des trucs. Et pourtant, c'est du black metal. Et t'as des cris de black, mais pour le coup, qui venaient renforcer cette sensation. Et au bout d'un moment, quand t'écoutes trop, ça fait... Ça te prend, et je me disais que sur des gens, peut-être... T'es sensible comme mec. Non, mais je pense que sur des gens, ça doit pouvoir agir comme un truc qui doivent se foutre en l'air, les mecs, parce que c'est vraiment... c'est dur. Ouais, je connais quelqu'un qui a fini en psychiatrie. Ah, tu vois, et du coup, je pensais pas que ça... Je voyais pas comment ça pouvait donner en live, donc j'avais quand même été jeter un œil, et en fait, bah, les mecs ont un peu, je te dis, ils ont un peu genre des t-shirts blancs et des bretelles, un peu comme dans Orange Mécanique. Certains ont un peu le maquillage, des sourcils, d'autres ont un peu des gueules de clown, mais je vais essayer de te montrer, mais en fait... Je pense que ce que j'ai dit va correspondre avec ce que tu vas voir dans le côté de dire « Ok, ouais, ça a l'air d'être dans la même idée. » Après, ouais, c'est vrai que je suis assez... j'aime bien, justement, quand je te parle de Devil Doll, c'est un mélange de circus, d'opéra rock et de... Ouais, t'as du métal. Enfin, c'est assez space, ouais, comme... Bon, c'est pas très net, mais... Comme musique. Ah oui, effectivement. Ouais. Tu vois ? Ouais, ils ont l'air assez barjots. Ouais. Pourtant, il y a oui, mais ça, c'est. Ah, ça me fait penser aussi à Virgin Prunes. Ça, c'est des membres de live, parce qu'il n'y a qu'un mec normalement qui s'occupe du groupe. Ouais, ouais. Tu vois, donc c'est. Mais c'est Les Virgin Prunes, c'était assez malaisant aussi, comme ouais. Tu dis. Hein. Quand ils étaient en live et tout, ils faisaient des trucs assez barges, et même les mecs étaient très. Toi, regarde, en voilà une autre. Ils étaient accro aux drogues dures, déjà. Donc, tu vois ? Ouais. Ouais, bon, c'est pas dans l'esprit de Virgin Prunes, quoi, ils étaient un petit peu plus... Mais malsain quand même, hein. Il y avait mais j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Ouais. Vraiment, ça... Ah, bah, j'irai écouter. C'est vrai que je suis assez... assez curieux à ce niveau-là. Mais voilà, mais par contre, je mettrais recommande plus, parce que ça m'a fait ressentir des trucs, mais j'aurais jamais été écouter ça à d'autres moments autres que ce podcast, ouais. Et je vois pas quand est-ce que je pourrais réécouter ça, parce que c'est trop... voilà. Mais c'était... Je pense que j'aurais pas aimé forcément l'écouter chez moi tout seul, quoi. J'étais au taf. J'aurais eu peur. Non, pas peur, mais... par contre, du coup, ça m'a... Mettre du cyanure dans mon café. Non, mais ça me donnerait envie de discuter avec le mec pour dire... Putain, mais... Comment... Ça va, toi ? Non, mais... Non, plus, ça se passe bien dans ta vie, en ce moment ? Plutôt, comment t'arrives... voilà, comment t'es parti pour faire ça ? Et toi, qu'est-ce que tu veux vraiment exprimer, quoi ? Parce que l'interview que j'ai lue, en fait, elle était... Ça se trouve, c'est un mec super souriant, super... Non, mais peut-être, pour moi, ça ne serait pas incompatible. Tu sais, le mec, il a juste décidé de décharger tout. Comme tu dis, c'est une démarche artistique. Voilà, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai pris. Hein. Et l'interview que j'ai lue, elle était totalement inintéressante, parce que l'intervieweur se mettait autant en personnage et posait des questions au mec comme étant un personnage aussi. Donc, ça faisait une espèce de ping-pong, mais genre de métaphore à la con, pas marrante, ouais. Après, c'est peut-être son style de répondre comme ça aux interviews, donc je sais pas. Tu vois, j'ai pas d'exemple. Oui, c'est peut-être sa demande à lui. Ouais, voilà, mais bah, ça m'étonne parce que l'autre, il lui posait des questions. En gros, il disait, mais tu dois prendre quoi comme pour. En fait, il disait, en gros, la question, c'était, tu prends quoi comme drogue pour arriver à faire ça ? Mais d'une manière, tu prends quoi comme prescription de machin ? Mais tu sais, il le tournait d'une manière un peu, justement, alambiquée pour lui. Ouais, okay, ouais. Et lui, en gros, il répondait aussi de la même manière, mais pour dire que lui, il prenait rien, tu vois. Donc, voilà, donc. C'est un groupe particulier. C'est un peu singé. Ça ne m'a pas laissé indifférent. Je recommande plus à ceux qui ont envie de découvrir quelque chose. Mais soyez positifs, les gars. C'est vrai. Ah, c'est ça. Soyez heureux, vos vies. Voilà, pour penser nocturne. C'est bon, tu peux y aller. Ah, je sais, je vais chialer, mais ça va aller. Tu veux un temps de pause ? Non, c'est bon. Non, on peut faire une petite pause. Pause. Non, c'est bon. Non, c'est bon. J'enchaîne alors. Vas-y. Alors, moi, j'ai. Non, je vais pas arriver à faire ça. Vas-y. Donc, mon dernier groupe, c'est The Walking Dead Orchestra. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là ? Bah, c'est pas grave. Non, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là ? Cocorico ! Hey hey, c'est un groupe de Grenoble, paraîtrait-il. C'est pas grave, tu vois ? C'est ce que je dis. C'est du death metal, deathcore, en activité depuis 2011. Ils ont deux albums. D'accord. Donc c'est pareil, j'ai pas trouvé grand chose sur eux. Ah. Donc j'ai quelques notes de presse. Ghost Cult Mag qui dit The Walking Dead Orchestra do what they do and they do it well. D'accord. Métallurgy, The Walking Dead Orchestra a mis le paquet pour contenter son monde et honnêtement, on aurait bien du mal à critiquer cela. D'accord. VS Webzine. Eh, hey, des amis, des frères. Leur prochaine orgive... orgive. Oh là là. Leur prochaine... Oh, ça va, dis donc. J'ai rien dit. Ah, dis donc. Leur prochaine ogive sera des plus dévastatrices pour un futur rendez-vous chez le dentiste. Bah oui, parce qu'on prend des casse des dents. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Moi, j'ai pensé tout de suite à Ludwig. À, ah ouais, ouais. Ah d'accord. Ludwig von... Oui, 8888888888888. Non, non, non. Ah non, carrément. Non, non, carrément pas. Ah bon? Bah non. Beethoven? Oui. D'accord. Ouais. Ils disent, tiens, c'est ça un orchestre maintenant? Waouh! D'accord. C'est brutal. C'est, ah oui, c'est brutal, oui. Ah oui, non, c'est... Ah oui, oui, oui, c'est brutal. Je me dis qu'ils doivent souvent changer... Enfin, j'ai pensé à ça aussi connement l'autre jour. Ils doivent souvent changer de membre. C'est... Ils doivent mourir. Et ben, c'est ça. C'est ça. Bah parce qu'ils quand sont tu, en train de... Ça des doigts. Qui... Bah des zombies et tout ça. Tu les tiens pas tes blagues là, tu les assume-les mec, vas-y. Ouais, mais voilà. C'est pas facile pour un orchestre fait de zombies. C'est ça. Non, en fait non. Et parce que j'ai pas grand chose à dire, c'est brutal. C'est brutal. Hein. C'est brutal. C'est brutal. Sinon, c'est brutal. T'as passé une bonne semaine, sinon. Ouais, c'est ça. T'as écouté Pensée Nocturne, toi, fais gaffe. Ouais, je pense que... Bah, c'est tout, en fait. Hein. C'est ta chronique. Je suis désolé. Je suis désolé. C'était tout à fait dans l'esprit, tu vois, ça m'a... Putain, j'étais tout gay, tout... Ah, mais, ça m'a... mais t'as été pissé aussi. Ah, hein. Bah ouais. Non, mais je suis désolé. J'ai des petits sauts de cabri, voilà, en pissé, comme je ça. Je suis désolé. Et puis je reviens, là, tu me plombes les... Mais je suis... Non, alors... Moi, si... du coup, derrière, si je devais... Moi, non plus. Je savais pas à quoi m'attendre avec The Walking Dead Orchestra. Bah, est-ce que j'ai écouté... Eh ben, ça... Voilà. C'est brutal. Ouais, c'est brutal, mais j'ai pas forcément adhéré non plus. Non, bah, pareil. J'ai pas assez écouté non plus pour dire, mais j'ai pas trop, voilà, c'est pas pour moi. Mm. Mais apparemment, ce qu'ils font, ils le font bien. C'est ça. C'est ce qui est marqué, ouais. C'est Ghost Cult Mag, ouais, qui ouais, ça. C'est ça. Voilà. T'as écouté quoi, toi? Bah, j'ai écouté les deux albums. Ah, carrément? Bah ouais. Y a rien qui t'a... Bah non. Ah mince. Mais c'est pas ma cam de base, donc déjà... puis c'est trop... Ouais. Ouais, c'est trop, quoi. Il n'y a pas beaucoup de variations, moi, de ce que j'ai. Pas vraiment, quoi. Non, non, c'est ultra violent. Puis je vois pas trop le rapport avec déjà The Walking Dead. Ouais. Ça n'a pas trop de rapport. Et puis Orchestra, encore moins. Donc voilà, c'est ça que je me suis dit, moi, en fait. Bah, le nom n'a aucun rapport avec ce qu'ils font, quoi. Il y en a peut-être un, mais on l'a peut-être pas perçu. Bah, c'est pas un orchestre. Enfin, non. Bah, enfin, je suis pas au courant, peut-être. Non, mais j'ai et puis ils sont pas morts vivants. Non. T'as été voir sur le site ce qu'ils en disaient? On n'y pense jamais à ça. Sur ah bah je l'ai reçu ce midi donc. Non après, le site mais sur le site parce qu'il y a une page par. Par. Bah, par artiste. Il y a une page par artiste. Mais non mais bon. C'est fou ça. C'est, on me dit rien moi. Meuble. Oui alors. Tac la Sainte Edith c'est le 16 septembre. Ah tu vois et ça on le disait pas. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, pareil pour octobre. C'est bon, j'ai... Le 11, c'est la Saint-Firmin. Si vous ne saviez pas, si vous avez des Firmins... Hein, attends, c'est bon, j'ai... Alors, je peux vous dire la Saint-Ninon, sinon. Ouais, vas-y, écoute, on sait jamais. La Saint-Ninon, c'est le 15 décembre. Très bien. C'est en pleine apocalypse, alors que l'humanité se battait pour survivre, que The Walking Dead Orchestra a puisé son inspiration. Bon, c'est aussi dans la série TV dont le groupe tire son nom qu'il trouve l'impulsion pour booster son deathcore à la tendance très brutale. Une version toute personnelle de la musique de zombie. C'est brutal. Avec de la mosh part qui bastonne, de quoi rivaliser haut la main avec les stars du genre que sont Carnifex ou Whitechapel. Les rôdeurs n'ont qu'à bien se tenir, The Walking Dead Orchestra est prêt à en découdre. Mais ça, on est d'accord. Ils sont prêts à en découdre. Moi, je... Mais qu'est-ce qu'ils veulent découdre? Bah, des trucs cousus. Ouais, des t-shirts. Principalement, j'imagine. Bon, peut-être pas. Des pulls. Ça veut faire sauter de la maille. Mmh. Donc, du coup, tu recommandes? Non. Plus non. Non, d'accord. Non. C'est très compliqué tout ça. Très bien. Bah, je sais pas, c'est toi qui as instauré ça. Bah, après, va pas m'enculer. Moi, je suis là, j'essaye de faire les choses bien, et puis toi, derrière... Je t'engueule pas. Ah oui, d'accord. Je t'entends pas, je suis désolé. Non, mais je te disais un truc, et toi, tout de suite, tu prends la mouche. Tu t'excites. Tu prends la mouche. Ah, mais c'est n'importe quoi. Donc, bon, bah voilà, c'était nos chroniques de la semaine. 1h40, hein. On tape 1h10 de chronique, quasiment. Ah, c'est clair. Tout ça pour dire quoi? Que c'est violent. Que c'est de la brutalité. C'est ça. C'est brutal, c'est de la violence. Gratuite en plus. Ouais. Parce qu'on a Spotify. Il y aurait que moi, tiens, bah franchement. Hein. Bah ouais. Tiens. On irait à Grenoble, on leur dirait bien cher notre façon de penser. Non, alors bah du coup, on va les interpeller. Je vais les taguer. Exactement. Expliquez-nous. Voilà, pourquoi? Pourquoi? Le comment? Parce que c'est facile. Mais nous, on veut savoir. Je suis totalement d'accord. Nous, on veut comprendre. Et moi, franchement, j'ai des arguments. Alors, c'est moins sûr, mais bon. Non, souris pas, ça se voit. Rigole-moi, c'est putain. À la radio, ça se voit à la radio. Allez, c'est le moment, on tire les nouveaux groupes. Oh là là, j'ai peur. Ah, t'as une petite chanson, toi, pour le. Oh, moi, bon, je suis un chanson. Tu la referas. Attends, j'ai rien fait. Vas-y. Dark World. Tu l'as pas eu? C'était moi la semaine dernière. Ah, tant mieux. Ils sont de Tours. Breed Machine. D'accord. Breed Machine. D'accord. Breed. D'accord. À moi. J'ai pas dit. Hein, t'as perdu. Ah bah non, Joan Jett and the Black Heart. Bah, oh bah non, ah bah non, c'est parcimonique. Il l'avait fait, c'était normal. C'est normal, ça pouvait ressortir, on l'avait sorti, pas comme ça, c'est normal, c'est normal. Ouais. Seven Seconds. Bah du coup. Que fait-on? Bah, la fait-on ou la fait-on pas? Bah la fait-on pas, tant pis. On la refera si la fait-on, ça la kiss. Non, c'était pas obligé ça. Fin d'émission, mais quand même. De Chris Led Timeline. Si, en fin d'émission, je suis désolé, mais. De Chris. Slade Timeline. Sérieux les mecs quoi. Quoi? C'est... Bah non mais sérieux les mecs quoi. Oula. Cannondown. Bon j'espère que le tirage de cette semaine sera plus glorieux. De manière il en reste plus que 3 normalement tirage. Lucifer. Oh là. Ah bah tiens. Ça annonce. Je vais pas bien dormir, moi je vais faire encore des cauchemars. Non, ça c'est sous la vallée. Ah bon? Ah bah j'ai peut-être de la chance. Hello. How are you? C'est trop nul, ça me fait rire. C'est ça qui est triste. Rose Tattoo. Oh ah. Merde. Oh mon pauvre. Ouais, je... Ah là, je compatis. Tu peux le prendre à la place si tu veux. Non. Si je compatis, c'est que. Texas Chainsaw Dust Lover. Ça, ce serait bien de l'avaler aussi. Ça. Ah ouais, mais le nom est top. Alors, The Texas Chainsaw Dust. Ce qui est marrant, c'est qu'il note, et puis dans la semaine après, il me redemande. Non, c'est quoi, ça va, hein. Putain. Quoi? C'est pas vrai, peut-être? Dust pas... Lover. Alors, à moi, le dernier groupe. Asking Alexandria. Oh, je connais déjà. Tu connais, ça? Ouais, je connais. Ouais. C'est mainstream? Non, c'est plus metalcore, je dirais. Ouais. Non, peut-être pas, non, d'ailleurs, en plus. Enfin, non, je... Ah, donc tu connais pas quoi. Si, mais si je connais parce qu'ils étaient dans les 10 groupes que. Oui, je vois. Tu vois? Attends, je vais quand même vérifier. Que je raconte pas de conneries. Et non, c'est pas ça que je vérifiais. Metalcore. Ah. Ah, alors? Je l'avais dit. Alors, ils sont d'où? Depuis combien de temps? Du Royaume-Uni. Vas-y, fais ta chronique maintenant. Alors, Asking Alexandria, groupe de. Bon, du coup, c'est. Bah, du coup, voilà. J'espérais tomber sur. Y a encore un groupe sur lequel j'espérais tomber. Fist of the North Star. Hein? Il passe pas cette année. Si? Non? Ah non, il passe pas cette année. T'es sûr? Bah. J'ai rêvé. Bah non, il passe pas cette année. Ah bon? Je me suis fait une fausse joie de... Ah bah, je crois, ouais. Bah, je croyais que... Non. Peut-être. Bah, tu me mets un... Tu me mets un doute. Ouais. Enfin, elle est professionnelle, hein. Ouais, c'est clair. Bon, alors, il y a Carpenter... C'est artisanal, hein, mec. Y a on n'a jamais dit qu'on était professionnels. On est d'accord. Le groupe qu'on avait vu en 2015. Bah ouais. Je pensais que... Non, j'ai rêvé. Pourquoi j'aurais pensé ça, moi? J'étais complètement persuadé. Moi, j'ai fait des petits coins à mes pages de... Comme ça, elles sont plus faciles à trouver. Ouais, mais toi, t'as eu le temps de faire ça, c'est bien. Vu la longueur de tes chroniques. Oh, le sale. Mais c'est toi qui me tends des bâtons. Regarde, je vais mourir une clope. Non, fais pas ça. Le tabac, c'est pas bien, hein, tout ça. Moi, je retrouve bien. Boire des bières, c'est pas mieux. Hein. J'ai pas dit ça. Mais faire des podcasts, c'est encore pire. Ça passe. Pour l'instant, moi, je trouve plus du tout. Bon, Mais il n'y a pas The Fierce of the North Star. Non, c'est Rise of the North Star. The Rise of the North Star. Il n'y a pas. Non, mais j'ai rêvé, alors. Bah oui, t'as rêvé. Oh merde, bon, je suis déçu. T'as rêvé d'un autre monde. Putain, elle est vraiment pourrie, cette affiche. Bon, bah voilà. Pourquoi j'ai pensé ça, moi? Tout ça parce qu'il y a des... Mais où est-ce qu'il passe, alors? Certainement à un endroit très sombre. Oh bah mince. Où ça sent pas très bon. D'accord, c'est intéressant comme blague. Bon, bah sur ce, partons. Mais pas tes classiques, toi. Hein. Non, mais je suis un peu. Je suis décontenancé. Ah ouais, ouais carrément. Non, j'ai t'es triste. Pas... Bah ouais. T'aurais bien réécouté The Rise of the North Star. Ouais, comme... Bah tiens, bah. Ouais. Eh. Je m'en fous, je vais le chroniquer. Ok. Voilà. D'accord. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah, ouais, c'est mon podcast. Ça, c'est marrant, tiens, reviens en arrière. Alors, par contre, je vais peut-être pas le chroniquer la semaine prochaine, vu que normalement, donc, on va enregistrer lundi. Bah, chronique-le tout de suite. On fait une pause, j'arrête l'enregistrement, puis on revient dans 10 minutes. Ouais, c'est là. Ça. On va se manger un bout de gâteau. Bon, eh bien, en attendant, on va aller, donc, comme effectivement Bob vient de le dire, on va aller se manger un morceau de gâteau parce que c'est notre anniversaire. Ça fait un an. On est quand même assez content d'avoir d'avoir tenu jusque là. Ouais, c'est ça. On tient à rappeler que la première saison s'est arrêtée au 11e épisode, là on en est au 21 de la deuxième. Il y a quand même de fortes chances que cette année on ait tout écouté quasiment des groupes, pas en terre connue. Enfin, pour les gens qui vont là-bas. Il y aura peut-être Frédéric Lopez. En terre connue? Ben non, mais Hellfest. Bah oui. Mais il connaît rendez-vous pas. Rendez-vous en terre inconnue. Bah, du coup, s'il connaît pas, ouais. Bah, apparemment, il a changé. Moi, j'ai entendu dire qu'il avait changé ce concept d'émission. Maintenant, il allait quelque part en France. Ah, rendez-vous en terre connue, du coup. Du coup, voilà. Ouais. Juste pour ceux qui se demandent, oh là là, mais on n'est pas encore au mois de juin, il ne reste plus beaucoup de groupes à écouter. C'est vrai. Tu as raison, mec. Pour les prochaines émissions où on n'aura plus rien à écouter, on retournera sur les groupes qu'on n'a pas écoutés chez l'autre. Voilà. Ou ceux qu'on voulait un peu plus approfondir. Ah, j'avoue, j'ai pas compris ce qu'il vient de dire. Mais après... Mais si, les groupes, il y a des groupes que tu voulais plus approfondir. Dis donc, ouais. Mais t'as une liste. C'est intime, ça. Je t'en ai parlé. Or. Oui, mais on a dit plus de transparence. Oui, bon, allez. En attendant, on vous souhaite à tous une bonne semaine. Merci. Bisous. Bisous. Bon anniversaire. Je vais rajouter mon F hein, sur mon H. Sur son LS. Ça va. Une. C'est bien. J'ai même essayé de respecter la typo. Non, mais c'est très bien. C'est top. Moi, j'aime beaucoup comme ça. Laisse-le comme ça. L'erreur, ça fait partie du truc. Moi, j'adore. Tu crois? Ça me fait marrer. Ouais, bah, si ça te fait marrer. Ah, ça veut pas dire que c'est on bien. On s'en fout. De toute façon. Mais, personne. C'est à l'image de ce podcast. Hein, on oublie le F. Huck. Du coup, c'est parfait. Huck, tout le monde. Huck, tout le monde, allez. Faut retirer le F de tout, maintenant. Voilà, c'est ça. Bon, bah voilà, donc à bientôt. Nous, on va aller se taper un peu de boue. Merde. Oui, on va aller manger un peu de boue, ouais, du coup. On vous aime. Et on vous enferde. Non, là, c'était DM, c'était moi. Ah, DM. Ah oui, non. Bah, oui. On vous aime. Et on vous emmerde. Et à la semaine prochaine. Mais on vous aime. Quand même, quelque part, au fond du cœur. Où ça? Au fond du cœur. À Grenoble? C'est pour toi, moi, je suis à plus Lens, du côté de Tours. Lens, tiens, Lens, ça c'est bien ça. On n'a jamais été à Lens. Ben non. Après, Lens, on n'en parle pas souvent, je trouve. D'ailleurs, je tiens à revenir. Est-ce qu'il y a des groupes de métal à Lens? J'en sais rien. Faudrait... On veut bien venir hein, à Rouen pour le warm-up. Oui, oui, oui. On veut bien. Hein. On fera une super chronique. On peut même faire une émission sur place. Mais on fait des bonnes chroniques en plus. Hein. Bah attends, ouais. Moi pour ces nocturnes, j'en dors plus. Hein. Quand on n'est pas... Fatigué. Fatigué. Parce que ça arrive des fois. Ouais. Bon allez, 1h49 et 30 secondes. On se casse. C'est un joyeux anniversaire. On a un gâteau à manger. Bon oui. Anniversaire à toi, Bob. Merci. Mais toi de même, Jack. Et à bientôt pour le prochain gâteau. L'année prochaine. Espérons-le. Ouais. Allez. Avec des bougies. Mais on n'a pas... Bon, tiens, c'est des bougies. Pas... Faut qu'on mette des bougies. Ah bon ? On va souffler. Bah, si, alors, quand d'accord, bah, c'est un gâteau. Bah, ouais. C'est, okay, c'est un gâteau d'anniversaire. Bah, il faut souffler, c'est normal. À la base. C'est ça, c'est l'idée. Non, on devait le souffler en direct en plus. Bah, On a fait le test du souffle. Même Julien qui a dit t'inquiète, ouais. Bob, on entend le souffle. Bah donc tu vas aller chercher pour le souffler en direct ? Non, non, non, d'accord, c'est bon. C'est vrai. Bon, bah on arrête alors.